vous êtes à CIFU. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien Fierté nous donnera son avis sur l'actualité dans son bulletin Gartin. Et Frédéric Bernard nous dira ce que Google pense d'un sujet plus ou moins chaud dans Google Globe. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 13 janvier 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est à 104 jours à la fin de l'année scolaire 2015-2016. Et c'est sur notre chanson thème de Valès Parietta remaniée par Renard Frac qu'on commence aujourd'hui. C'est Tania. C'est difficile ce matin, je dois avouer. C'est glissant. C'est très glissant, mais je pense que je suis fatiguée. Ah, comment ça? T'as veillé hier? Mais non, même pas. Pas de Trivial Pursuit? Pas de Trivial Pursuit, pas de chasse-galerie. Non. On est resté sage, on a fait sa chronique, mais... Je sais pas, je suis fatiguée. Ah, ben Colin, moi hier, j'ai fait exactement le plan du mardi habituel. Oui. Étant donné que j'ai de l'impro lundi, que je reviens chez nous à 2h du matin puis que je me lève à 6h30. Ben Colin, je me suis endormi hier soir entre 8h et 10h. Et après ça, je me suis réveillé à 10h et je me suis recouché jusqu'à 6h30. Ah, mais au moins, t'as réussi à pas te réveiller en plein milieu de non, la nuit. Non, c'est ça, je me suis lavé les dents, tu sais, fait mes affaires puis floup au lit. C'est vrai. La lumière fermée, ça dort mieux. Je dois avouer que mon téléphone, je sais pas pour toi, mais moi, mon téléphone, c'est mon alarme. Oui, aussi. C'est mon cadran le matin. Mais là, il y a une affaire qui me chicote. Là. C'est les gens t'aider, qui décident de texter à comme 3-4 heures du matin. Tania Baudin. Quoi? Allô? 819. Tania Baudin, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que tu mets le mode veille la nuit? Ah, oh, tu peux faire ça, puis ton cadran va quand même... Il y a un beau mode sur ton iPhone dans tes paramètres. Tu vois, je savais pas. Qui s'appelle « Ne pas déranger ». Tu peux dire entre, comme moi, 23h et 6h30. Je veux pas avoir de message, ni de téléphone, ni rien. Alors, le matin, quand tu mets ça à les off, gens peuvent bien évidemment, oui, c'est ça, le matin. Tu reçois tous tes messages. C'est exact. Les messages que tu as eu dans la nuit. Et ce qui est le fun, c'est que si quelqu'un t'appelle trois fois, je crois, et que c'est une urgence, là, il va se mettre à sonner quand même pendant ton mode. Ah, pour vrai? Fait que je te montrerai ça. Ouais. Tania. Tu vas devoir faire ça. Toi et les auditeurs à la maison qui se sont posé la question, je vais te régler ça. Je suis persuadée que je suis pas la seule à dire ça. Comme on dit, problem solvers. Et voilà. Ouais. À l'émission aujourd'hui, Tania, on va avoir nos chroniqueurs habituels du mercredi. Ça n'a pas changé. Hein. C'est la journée qui n'a pas changé cet hiver. Donc, à 8h, on aura Sébastien F. Gartin pour sa chronique Bulletin Gartin. Il va nous parler d'actualité un petit peu partout dans le monde, des fois au Canada, des fois au Québec. À 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe, lui, va poser une question à Internet. Je ne suis pas allé voir sa question. Il m'a dit que c'était une surprise. Ah, moi, il me l'a envoyé. Est-ce que tu as regardé? Oui. Ah, maudite talente. Toi, t'aimes pas les surprises. Ben en fait, c'est que quand je l'ai reçu, je me suis demandé qu'est-ce qu'il m'envoyait. Ah, OK. Ah, c'est nouveau, ça. Automatiquement, je l'ai envoyé. D'habitude, c'est moi qui te l'envoie. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va faire... En fait, pas ensuite, plutôt tout à l'heure, on va faire Tania is gonna entertain ya. Pour essayer d'avoir le temps de faire ça avant que les chroniqueurs arrivent. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses de faire ça après cette chanson? C'est une bonne idée. De Renard Blanc. Notre chanson thème est par Renard Frac. Ouais. Celle qu'on s'en va entendre est par Renard Blanc. Blanc. Pas la même chose. Et t'as bien retenu ta leçon hier au palmarès. En effet, je l'avais noté. Je t'avais dit, il me semble qu'elle calme pas mal pour l'émission. On va peut-être la mettre en début d'émission. Ouais, exactement. Ben... C'est La Brume de Renard Blanc. Assemblage requis. C'était Renard Blanc et la pièce La Brume. Assemblage Rocky avoue que le titre fonctionne très bien. Et même le nom du gars, Renard Blanc, ça fit avec la chanson. Vous êtes Assemblage Rocky. Finalement, changement de plan. On a chassé de temps avant que Sébastien F. Gartin arrive pour solliciter une liste de choses dans un ordre plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet. Donc, dans ce cas-ci, c'est les bonbons les plus populaires dans 20 pays. Mm-hmm. Ça a l'air intéressant quand même. Il y en a qui sont spéciales. Il y en a des particuliers, mettons. Peu importe où on est, c'est pas trop difficile de trouver des bonbons, des gâteries, des choses qu'on a envie de manger, des choses sucrées. Hein? Mm-hmm. Mais si vous allez dans d'autres pays, le dépaysement pourrait être assez énorme. Hein? Assez. Donc, on va faire le tour de 20 pays. Commençons en Thaïlande. Kit Kat. Bon, OK, Kit Kat, on connaît ça. Hein? Ils mangent pas tant de chocolat en Thaïlande comparé à nous. Mais lorsqu'ils mangent, ils mangent une Kit Kat. Donc, c'est le bonbon le plus vendu au pays. À moins qu'on compte les pastilles. Et dans ce cas-là, c'est les Halls qui seraient au sommet. Mais comme on compte pas vraiment les pastilles comme des bonbons, c'est la Kit Kat qui l'emporte. Hmm. Ensuite, au Royaume-Uni, c'est le Cadbury Dairy Milk. Je pense, en tant que chocolat de base, vraiment, là, la Dairy Milk, c'est pas mal une des meilleures barres, je trouve. Ouais, quand même. Et là, on l'a appris récemment, on en parlera sûrement dans la prochaine édition d'une grosse pointe d'adresse, mais Cadbury fait outrage partout en Amérique du Nord après avoir changé leur chocolat pour les œufs Cadbury. Avant, c'était du Dairy Milk, maintenant, c'est juste du chocolat au lait normal. C'est vrai. Dairy Milk était vraiment pas mal meilleur. En 2014, Cadbury a vendu presque 527 millions de dollars de ses barres Dairy Milk. C'est distinct par rapport aux autres barres de chocolat populaires sur le continent parce que son profil est plus laiteux que la plupart des barres de chocolat en Europe. Leur chocolat au lait est un petit peu moins laiteux habituellement en Europe. Ensuite, en Turquie, c'est leur barre préférée et la Ulker, ou Ulker, quelque chose comme ça. La même compagnie en fait qui est propriétaire, en fait c'est la même compagie que Godiva, voilà. Donc, ils disent que c'est le chocolat le plus populaire en Turquie, que j'ai toujours envie d'appeler la Tinde, parce que c'est bien drôle. La marque est environ la moitié du total de chocolat et de vente de biscuits, en fait, par année. Ah, ouais? Ouais, Ulker vend plusieurs variétés de chocolat, dont des barres avec des gaufrettes à l'intérieur, du caramel et des pistaches. Mm. En Chine, le chocolat le plus populaire est Dove. Oui, on l'a ici aussi. Hein? Et j'ai jamais goûté au chocolat Dove. Est-ce que tu l'as? Oui, j'ai déjà goûté. Je m'en ai lâché une niaiserie, genre c'est comme le savon, là, c'est somptueux. Mais c'est très bon. Oui? Oui. Je devrais l'essayer. Donc en Chine, cette compagnie américaine est au sommet. Dove a 34% de la consommation de chocolat totale du pays. Pour mettre ça en perspective, la Chine devrait consommer 220 700 tonnes de chocolat l'année dernière. Wow! Selon les 220 700 tonnes! Ouais. Pas barres de chocolat, là. Tonnes! Ouais! Je me demande, on est où, nous, là-dedans? Je sais pas. On va sûrement voir le Canada d'ici la fin de la liste. L'Allemagne, leur chocolat préféré est le Milka. Barre de chocolat originaire de Berlin en 1901. Ils ne sont pas devenus la compagnie la plus populaire de l'Allemagne avant les années 60. Aujourd'hui, ils font plus de 730 millions de dollars par année, battant la deuxième place, Lindt, par plus de 230 millions de dollars. Le chocolat, cette barre de chocolat-là, est reconnue par son emballage mauve, montrant une vache devant des montagnes couvertes de neige. Cette même image est utilisée depuis le lancement de la marque. En fait, la première mise marque de commerce, voilà, qu'a pu avoir la marque Milka. On dirait vraiment, sur l'écriture, là, la façon que l'écriture Milka est faite, on dirait vraiment une grosse, grosse imitation de Wonka. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai, je me demande s'il y a une inspiration derrière ça. Je sais pas, hein? T'es intelligente. Ah, merci. Au Brésil, c'est le Lacta Bubbly. Bubbly. Donc, cette ligne de chocolat est leader sur le marché brésilien depuis les 100 dernières années. Quelques marques de Lacta, entre autres leur barre Bubbly, et il y a aussi une barre de chocolat blanc. Avec des morceaux d'Oreo à l'intérieur. Ça ressemble vraiment énormément à une Aero. Aero, ouais. C'est vraiment, je pense, même... D'après moi, c'est leur équivalent. La forme des bulles qui se touchent, mais c'est pas égal, c'est pas symétrique. Moi, par contre, eux, ça a vraiment l'air de des bulles. Voilà, ça ressemble énormément à une Aero, là, celle qu'on voit avec des grosses bulles dessus. Ouais. Ensuite, en Pologne, c'est le Ptasi Mletsko Skoso. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aurais pas plus été capable de le dire. P-T-A-S-I-E, espace, M-L-E-C-Z-K-O, des lettres qu'on n'est pas supposé voir ensemble. Même le sous-titre original, Nia Vidlovska Zelkolada. Je vois pas comment on pourrait lire ça. Je ne crois pas. C'est donc la barre de bonbons, la barre de chocolat la plus vendue en Pologne. C'est Fluffy. Ça vient de Cadbury, ça aussi. Okay. Ptasi Mletsko, c'est un centre de meringue légère, léger, un centre léger, avec un enrobage chocolaté à l'extérieur. Ça ressemble un petit peu à un Three Musketeers, je te dirais, avec l'intérieur très, très mousseux et l'extérieur plus solide. Le nom se traduit en lait d'oiseau, une phrase régionale dérivée d'un conte de fées slave. Dans l'histoire, une princesse va tester ses prétendants en leur demandant d'aller chercher du lait d'oiseau, quelque chose qu'elle croit qui est impossible à trouver. Donc, c'est pour cette raison-là que la phrase est utilisée pour décrire quelque chose qui est considéré comme précieux et rare. Ah ben, mon Dieu! Oh, et la on deuxième... On en apprend tous les jours. C'est fort, hein? La deuxième signification, c'est de faire référence aux deux ingrédients principaux, les œufs et le lait. Voilà. Ah, d'accord. Ensuite, on va en Corée du Sud, les chocolats Ghana sont les plus populaires. C'est nommé pour un pays en Afrique du Sud où leur grains de cacao, voilà, sont pris. La texture crémeuse de cette barre de chocolat est faite d'ingrédients sucrés préférés dans certaines parties de l'Asie, particulièrement la Corée du Sud, où leur compagnie de chocolat mène sur le marché des bonbons et autres gâteries. Donc, Ghana, par la compagnie Lotte Milk Chocolate. Voilà. Ensuite, le 9e pays, c'est l'Inde, avec le classique Cadbury Dairy Milk, dont on parlait tantôt. Cadbury, qui est normalement associé avec ses origines au Royaume-Uni. Leur branche en Inde, à Cadbury, existe depuis 1948. Entre 2010 et 2015, l'Inde était le marché qui a grandi le plus vite en termes de valeur de vente sur le marché du chocolat. Ah oh, ouais? Ouais, la marque Cadbury Dairy Milk, elle seule, vaut 41% des parts de marché dans la catégorie chocolat en Inde. C'est quand même assez gros, hein? Ouais, ben félicitations à eux et pour vrai, Cadbury Dairy Milk, là, c'est bon. Oui. Parce que le reste de Cadbury, ce qu'ils font, mettons, leur kisses, c'est dégueulasse. Ben, ça goûte rien. Ça dépend, il y a des variantes de kisses, là, cette année, là. Il y avait des kisses aux deux chocolats, donc chocolat blanc, chocolat noir, c'était excellent. Ça il y avait bon. Des kisses comme les bars Hershey, là, avec des petits morceaux de biscuits à l'intérieur blanc. Ah, ouais. C'était excellent. Ah, ben, il va falloir revisiter ces emballages de Hershey's kisses. Ensuite, on est rendu à la moitié, le Danemark, avec les bonbons gummy bears. Tu vois, tantôt, quand j'ai dit des gâteries et des sucreries, c'était pas nécessairement tout le temps des barres de chocolat. Ça donne que le numéro 1 est souvent une barre de chocolat. Au Danemark, c'est des bonbons Haribo, c'est des petits nounours en jujube. C'est comme des gummy bears, c'est exactement la même chose, en fait. C'est un des seuls pays, en fait, qui préfère les gummies par rapport au chocolat. La compagnie Haribo est connue pour ses gummy bears. Ils produisent aussi de la réglisse, des verres en gel et un paquet d'autres gâteries sucrées. Les Danois sont certains des mangeurs de bonbons les plus voraces sur Terre. Chaque citoyen en moyenne va manger 18 livres de bonbons par année. C'est deux fois plus que la plupart des Européens moyens. Attends un peu. Un anthropologue de l'Université du Sud du Danemark attribue ce comportement-là à une tradition locale qui s'appelle le hygge, qui veut dire coziness, donc ça veut dire être, tu sais, renfermé chez soi, un peu comme cocooning, si on veut. On pratique ça surtout l'hiver quand il fait froid. Au Danemark, c'est entre autres manger des collations et des gâteries avec des êtres chers. C'est cute, hein? Ah! Est-ce que tu as vu ce qui est écrit sur le sac? C'est un sac de 3 livres de bonbons. Hey, si c'est immense. Si tu as 10 livres en moyenne par personne, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 sacs de ça, puis tu as fait ton année. T'imagines? Pas pire, hein? c'est marqué leur slogan, c'est « Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo ». Donc, les enfants et les adultes l'aiment tellement, le monde merveilleux d'Haribo. Oh. Deuxième moitié, au Japon, les Kit Kat sont au sommet. Ah, ouais. Ouais, même si Meiji est la marque de chocolat la plus vendue au pays, les barres Kit Kat ont la distinction d'être la barre en tant que telle spécifiquement préférée au Japon. La plupart des Américains sont familiers avec leur confection bien populaire, mais au Japon, c'est quelque chose d'autre complètement. Il y a plus de 80 saveurs de Kit Kat vendues au Japon. Ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes que nous, là. Absolument pas. Entre autres, gâteau aux fraises et au fromage. Gâteau au fromage à saveur de fraises, voilà. T'as Purple Sweet Potato, donc patate douce mauve. Et t'as le wasabi qu'on voit en photo sur assemblageruki.com. Ça a l'air incroyablement bizarre, mais j'ai envie d'y goûter. Ouais, on dirait que je sais pas. J'y goûterais n'importe quand, ça. À wasabi? Ah oui, et ça, il y en a sur eBay, on devrait tellement s'en acheter. Je disais la même chose à l'époque de Stéphanie, on n'a jamais fait ça. Mais faisons-le un jour. On devrait. Se commander des barres Kit Kat japonaises, ce serait le fun. Parce qu'ils chargent bien, bien cher de douane, tu sais, vu que c'est de la bouffe. Il n'y a personne d'autre qui fait ça, on serait unique en notre genre. Ouais, c'est vrai. Alors, ensuite, l'Israël, c'est la barre élite. La marque au complet mène sur le marché israélien. La compagnie a été fondée dans cette région-là par un immigrant juif russe en 1934 et ce bonbon-là est populaire chez les enfants depuis. Un des leurs produits les plus populaires, c'est le Pessex Man, qui est un petit peu comme une barre Kit Kat avec un intérieur au hazelnut, ça c'est à la noisette. Le bonbon est tellement populaire qu'il a même sa propre version en crème glacée, un peu comme ici, on a des rouleaux en crème glacée, les marques populaires. J'aurais pas pensé faire une crème glacée au rouleau. Mais ça existe. Moi non plus. C'est bon. En Afrique du Sud, c'est le Cadbury Dairy Milk encore, mais eux, ils ont des sortes différentes. Dans cette ancienne colonie britannique, Cadbury Dairy Milk a aussi le titre de chocolat le plus populaire. En Afrique du Sud, leur variété préférée, c'est la Cadbury Lunch Bar, avec environ 300 000 barres qui sont vendues par jour. Lunch Bar avec des arachides, on dirait des graines de tournesol, il y a différentes sortes de peanuts dedans, donc Lunch Bar. D'autres choix populaires parmi les locaux là-bas, c'est Dairy Milk Whole Nut, donc aux noix entières, et Dairy Milk Top Deck. Celle-là, je ne vois pas la photo, malheureusement, mais Top Deck, j'imagine un étage, quelque chose de spécifique sur le dessus. Ensuite, en Islande, on a la Prince Polo. Une des exportations les plus populaires de la Pologne, c'est une barre gaufrette couverte de chocolat et la plus adorée parmi les Islandais. Il y a beaucoup de restrictions sur l'importation. Il y en a eu beaucoup par le passé, pardon, en Islande, il y a quelques décennies. Donc, Prince Polo était le seul bonbon étranger disponible au pays. Ah, ouais. Et pendant sa visite en Pologne en 1999, l'ancien premier ministre de l'Islande, Olafur Ragnar Grímsson, a dit que toute une génération d'Islandais avait été élevée sur cette barre de chocolat-là. Aussi, on estime aujourd'hui que plus d'une livre de cette confection est consommée par résident islandais chaque année. Oh, wow, quand même! Ça a l'air délicieux, des gaufrettes, là, chocolatées. Ça a l'air vraiment bon, le chocolat a l'air noir. Oui! Déjà en partant. Tellement noir! Ce qui ajoute au fait que ça doit être excellent. Hey, on dirait de la mélasse tellement qu'il est noir. Mais t'as-tu vu, c'est qui produit? Kraft. C'est Kraft. Et quand tu le regardes de loin sans remarquer que c'est du chocolat, on dirait un emballage de fromage. De fromage, parce que c'est un genre de jaune, un petit peu orange. C'est particulier, mais Prince Polo, ça a l'air bon. Et ça, je me demande s'il n'y a pas de ces barres de chocolat-là, si on regarde dans les épiceries. Où il y a des produits internationaux. Peut-être. On n'a jamais. En tout cas, moi, je ne regarde pas souvent, là. Je zioute, mais je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder les barres de chocolat. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose du genre. Peut-être, faudrait regarder. Et comme ça ressemble à de la mélasse, moi, je me demande pourquoi il n'y a pas de chocolat à la mélasse. Oh, parce que personne n'en mangerait. Mais pour vrai, il y a plein de chocolats spéciaux, pourquoi pas à la mélasse? Mais tu le mangerais, toi? Ben oui, T'aimes ça, la mélasse? Est-ce que tu me connais, Tania? Je suis prêt à tout essayer, moi. Oui, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tu aimes la mélasse? Ça fait vraiment. Je n'ai pas mangé depuis que j'avais probablement 10-15 ans. Oh, je déteste la mélasse. Je sais pas si j'aimerais ça. Sur quoi tu mets ça? Sur des gaufres? Il y en a qui mettent ça sur leur toast. Oh, bizarre. Ouais. Ouais, bizarre. Ben, tu sais, c'est pas même plus bizarre que, tu sais, en Australie avec leur Vegemite et leur... Ouais, ça, je suis d'accord. Saveur salée. Ça, je serais vraiment ouvert à l'essayer. Ah, tout ouais? Le monde parle de Vegemite. Aussitôt qu'on parle d'Australie avec du monde, et c'est énormément... c'est même pas rare, étrangement. Non, c'est vrai. Donc, Vegemite. Bref, ensuite, mais c'est pas un bonbon, c'est tout qu'on en parle pas dans le palmarès. Ça doit être ça. On est dans le top des bonbons et barres de chocolat et tout, les plus populaires dans le monde. On y va en Arabie Saoudite où la barre Galaxy est la plus populaire. Il me semble que ça me dit quelque chose, ce Galaxy. Bref, en Arabie Saoudite, ah voilà, ben c'est pour ça. Le chocolat Dove porte le nom de Galaxy c'est là-bas. Ça. C'est aussi le nom qu'ils ont au Royaume-Uni pour les barres Dove. Les deux produits sont pratiquement identiques jusqu'à leur design, il me semblait aussi. Hein. Tu vois, le décor est pareil. La marque a augmenté sa présence. Oui, la police de caractère. A augmenté sa présence en Arabie Saoudite en 2014 lorsqu'ils ont ouvert leur usine de chocolat à 60 millions de dollars là-bas. En plus de chocolat traditionnel, Galaxy prévoit amener de nouvelles régions, de nouvelles saveurs dans la région, dont Cookie Crumble, aux brisures de biscuits. Là. D'être bon. En Russie, c'est le chocolat Alpen Gold qui est le préféré. Cette ligne de chocolat est disponible en chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, noisettes, grains de café, liqueurs et autres additions décadentes. Ça me fait énormément penser à... Lindt. Exactement. C'est comme si c'est le même facing que Lynn. Pareil dans leur apparence et même les saveurs. Je sais pas, est-ce que tu trouves que le deuxième ressemble un petit peu à des spirulines? Oui, tout à fait. Bâtonnets. Mais ça doit être parce qu'ils sont à la noisette. Oh, non, les spirulines. Comment ça s'appelle? Pas spiruline, ça, c'est une affaire des energy drinks. Mais l'affaire que quand t'étais jeune, pirouline. Tu utilisais comme paille. Pirouline, il me semble. Les pirulines? Oui, c'est des pirulines. Ah! Spiruline, c'est l'affaire dans les energy drinks. Tu vois, je savais même pas que ça avait un nom, cette chose. Exactement. Pour moi, c'est une petite gaufrette tournée sur elle-même. Spiruline, c'est un aliment bactérien qui est obtenu à partir de cyanobactéries du genre Arthrospira, qui est utilisé comme complément alimentaire. Ah. Continuons. Dit comme ça, ça a vraiment pas l'air alléchant, parce que... Non, on va prendre les pirulines comme barre de chocolat. Ah, ben sûrement que c'était juste un petit peu de spiruline, ça donne un petit kick. Ah, sûrement. Ensuite, on a presque terminé notre palmarès des bonbons et gâteries les plus populaires dans le monde. En 17e, c'est le Chili avec l'Ambrosoli. Drôlement livré dans un sac de plastique. Ça a juste pas l'air bon, ça. Ça a l'air d'un magasin, tu sais, en vrac ou en cheap, si on veut. Bref, même si la compagnie a été fondée en Italie, les bonbons Ambrosoli ont trouvé une remarquable popularité au Chili. Aujourd'hui, la marque manufacture une diversité de chocolats, de caramels, de bonbons aux fruits dans ce pays de l'Afrique du Sud. Ensuite, le 18e pays, c'est la Belgique, où leur chocolat préféré est le Côte d'Or. Le chocolat est populaire partout dans le monde, évidemment, mais la Belgique ne fait pas exception. En date de 2012, Côte d'Or a vendu plus de 600 millions de chocolats à des Belges par année. La barre est disponible en plusieurs variétés, entre autres marzipan. Est-ce que tu as déjà goûté du chocolat au marzipan? Non. C'est une petite pâte, là. Ah c'est, ouais? Pour leur faire de pub, là. Vidéotron! Vidéotron vend ça. Tu sais, les bonbons, les chocolats sportifs, il y a une marque sportive en carré. Là, c'est caractéristique, leurs chocolats sont pas en carré. OK. Et il y en a un au marzipan. C'est vraiment bon. C'est quoi du marzipan, tu sais-tu? Ben, Colin Maison, que je sais ça, franchement. Voyons donc. Ben, c'est ce que je me disais, tu sais. Est-ce que tu me prends pour un cave? Si tu sais c'est quoi les petites gaufrettes au nom scientifique, je pense que tu sais c'est quoi du marzipan. C'est clairement une pâte confectionnée à base d'amandes mondées et finalement moulues, mélangées à du blanc d'œuf et du sucre dans une proportion respective de 2/3 et 1/3. Cette préparation est traditionnelle dans plusieurs pays d'Europe. Lorsque les ingrédients sont présents en même proportion, le résultat obtenu est appelé pâte d'amande. Voyons donc. Ah mon Dieu, Mathieu, le dictionnaire humain, il a pas été sur Google, là, je tiens à vous le dire. Ça sort de son. Dit naturellement comme ça. On appelle ça aussi en français du marzipan. Ça, c'est vraiment laid. Ah, OK. Marzipan. Il nous en reste deux, donc vraiment, on a presque terminé. Oh, attention. Canada! Côte d'Or est disponible en canneberge aussi, puis ça m'intéresse. Oui, ça doit être bon. Tu disais Canada, c'est Kit Kat la plus vendue. Ah, ouais. Franchement, tu vois, pourquoi est-ce qu'on n'amène pas les 80 catégories de version japonaise au Canada? C'est notre barre la plus connue et la Kit Kat. Colin, brasse-nous les affaires un petit peu. De toute façon, elle doit être faite là-bas, la nôtre. C'est, je sais pas. En plus d'être adorée, donc à la maison et outre-mer, les barres Kit Kat sont aussi les préférées de nous, les Canadiens. Le Canada est un des 100 pays où les Kit Kat sont vendus. Et selon Nestlé, elles sont tellement populaires que 700 doigts de Kit Kat sont supposément consommés par seconde. Ah, 700 c'est doigts, terrible. Là, c'est une barre. Ouais, pas la, une pas barre, la barre. Pas la barre complète, les quatre, mais juste ouais, un quart de barre. Ouais. Un quart de barre, c'est justement, c'est, si vous en mangez trop, votre corps va prendre la barre. C'est ça, voilà. Et ensuite, c'est bien dit. Pour terminer, c'est aux États-Unis, donc c'est les M&M. Ah, le mais plus tu vois, grand ça, marché, ça me surprend. Le plus grand marché de chocolat au monde. Mais maintenant que ça ne surprend pas tant que ça. En fait. Une grande partie de chocolat qu'on achète donc aux États-Unis vient évidemment avec du colorant alimentaire. Les M&M sont les bonbons les plus vendus aux États-Unis, des ventes annuelles de 673,2 millions de dollars. Et si on cherchait donc, oui c'est ça, à trouver une deuxième place, on pourrait y aller avec les Reese's. Peanut Butter Cups en deuxième place. Ok. Proche des M&M d'ailleurs, close second, pas trop loin derrière. Voilà, c'est tout pour cette liste des vins, bonbons, gâteries, chocolat, tu sais, des treats qu'on adore. C'est surtout le chocolat, comme on le disait, là, oui. Parce que je pense qu'il y a juste un pays où c'est des gummy bears. Est-ce surprenant que le chocolat soit en première place, d'après moi, non? Non. Voilà, c'est tout. Pour son foutu palmarès, le lien vers cette chronique est sur assemblagerequis.com. Au retour de la pause, on a Sébastien Guertin qui va nous parler d'actualité dans son bulletin Guertin. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour à Assemblage Requis, ce mercredi 13 janvier 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument, et c'est le moment de parler d'actualité avec le connaisseur en la matière, un homme émérite. Émérite qu'on l'appelle par son nom, je pense. Puis qu'il soit juste rendu à radio. Sébastien Guertin, voici son bulletin Guertin. Bonjour Sébastien Guertin. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Oui, j'ai oublié le F dans ton nom. Fait que, quand je dis que tu mérites qu'on t'appelle par ton nom, il faut dire au complet. Ouais, c'est ça. Même oui. Si le F, c'est un mystère pour tous. Ben, j'avais déjà dit c'était quoi d'ailleurs, c'est juste que t'étais pas attentif. Non, t'es encore en train de gosser sur les internets. Wow! J'ai une très mauvaise mémoire. J'ai beau porter attention, je retiens rien quand même. D'accord. Tes accusations, là. Je vais te la laisser passer pour cette fois-ci. Ça pourrait être une question de Trivia Pursuit. Quel est le deuxième nom de Sébastien? Est-ce que c'est un deuxième prénom ou un premier nom de famille? C'est un premier nom de famille. Hein? Premier nom de famille. Fortin? Non. Frappier. Frappier. Non. Fortier. Non. Non, tu l'as dit. C'était proche à. Ouais. Un petit peu moins répandu que ça. Fartier. Comme un pèteux. Non, je sais pas, je me rappelle pas. Frigon. Frigon. Frigon. J'aurais jamais trouvé Frigon. Je m'en faire une blague. Je connaissais une Frigon, puis je me souviens plus de son. Marianne Frigon. Ça j'allais au secondaire avec une Marianne. Félicitations, il y a aussi Frigon. Le Fréon dans le frigidaire. Mais c'est pas un nom qu'on voit souvent, c'est pour ça. Non. Mais apparemment qu'il y en a pas mal dans le nord de la... Pas dans le nord de la Mauricie, dans comme l'est de la Mauricie. Là. Ah, ouais, ben moi, juste, tu vois. Apparemment que mon grand-père, c'est de là qu'il vient. Ah, bref. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On voulait t'accueillir comme mais pour. C'est bien, ouais. Parce que en plus, aujourd'hui, j'ai malheureusement un sujet pas très léger. Fait que c'est lourd. Comment. Ouais, c'est lourd. Bon. Honnêtement, j'ai tourné autour un peu. Ça me tentait plus ou moins de parler de ça un matin, mais je me suis dit, tu sais, c'est quand même la grosse affaire de l'heure. Oui, et tu parles des choses, des gros sujet d'actualité. Là. C'est ça. C'est ton domaine. C'est ça. Puis c'est malheureusement une des grosses affaires. Puis ça va toucher à des choses que je parle souvent. De quoi je parle? Je parle des agressions qui ont eu lieu à Cologne en Allemagne au jour de l'an. Mm-hmm. Rappel rapide des faits pour ceux qui sont pas au courant. Tania, il y a moi qui, ouais, c'est ça, il y a moi qui lève la main. Ouais. Mais sur Facebook, c'est pas des top trends, mettons. Moi, ça doit pas. Ouais, mais les top trends Facebook, je trouve. C'est des début d'année, des fois. C'est des potins. C'est ça. Puis ouais. Ça rentre pas dans mes. Mais c'est ce que les gens veulent sur Facebook, apparemment. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que je veux de moins en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le fond, au Nouvel An, dans le fond, aux célébrations de la Saint-Sylvestre, c'est la veille du Nouvel An. C'est ça? Non, c'est le nouvel an en tant que tel. Ah, okay. Je ne sais pas. Moi, les saints, de toute façon. Ouais, c'est ça. Oh, boy. S-A-I-N-T. Ah, OK. On s'entend? Donc, c'est ça. Donc, blague à part, c'est ça, lors des célébrations du Nouvel An, dans les petites heures du matin, quand les gens commençaient à être chauds, il y a eu plusieurs agressions sexuelles qui ont eu lieu. Oh. Là, je reste dans le vague parce que, comme la plupart des... C'est très difficile d'avoir de l'information vérifiée à propos de ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations qui ont été faites à ce sujet-là. Puis donc, c'est très dur. Ce qui se serait passé, c'est qu'apparemment que dans une partie assez fréquentée de la ville de Cologne, apparemment qu'il y avait une cathédrale avec un parvis en avant. On s'entend, le parvis, c'est en avant d'une église, l'espèce d'espace qui est tout le temps assez... souvent, c'est un terrain avec des... Il y a un chemin d'allée avec du gazon. Ouais. Donc ça, c'est toutes les églises en ont un. Donc, visualiser un peu le devant d'une église, ça s'appelle un parvis. Puis, bon, il y aurait eu des espèces de troupes d'hommes qui seraient pour la plupart d'origine immigrante, qui se seraient tenus là en groupe et qui auraient commencé à agresser des femmes qui passaient de là en revenant de leur veillée du Nouvel An. Ah. Il y aurait eu des vols, il y aurait eu des agressions sexuelles aussi. Des attouchements aussi, mais il y aurait eu carrément des viols aussi. Puis là, bon. Ce qu'on sait, comme je dis, c'est très, très vague. Il n'y a rien qui est bien vérifié parce qu'il y a eu tout de suite des mythes qui sont partis. Parce que l'une des premières choses qui est ressortie, c'est que c'était probablement des immigrants et qu'il y a eu des arrestations. D'ailleurs, une des choses qui a frappé, c'est que la police de Cologne n'a pas réagi tout de suite. En fait, a pris énormément de temps à réagir, ce qui fait qu'il y a eu le temps d'avoir plusieurs agressions. Puis finalement, ceux qui ont été arrêtés, apparemment qu'il y en a une dizaine, puis apparemment qu'il y en a, ou même une vingtaine, dépendant des sources, dont une bonne partie serait des immigrants et des demandeurs d'asile. Mais là, comme je dis, ça reste dans le conditionnel, on n'est pas trop sûr. On s'entend, là, en partant, c'est une chose qu'on n'est pas d'accord. Ouais, c'est ça. De toute façon. De toute façon, on s'entend, c'est déplorable comme situation, ouais. Peu importe c'est qui l'a fait. Particulièrement s'il y a eu vraiment des genres de groupes semi-organisés, ouais, c'est particulièrement ça. Trash. Organisons-nous pour agresser des femmes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez troublant comme situation. On peut peut-être même trouver une page Facebook sur leur event. Allons au parvis de l'église pour faire ça. Ouais, ça s'est probablement pas fait comme ça, mais quand même. Sous un autre nom. On va espérer que ça s'est pas fait comme ça, en tout cas. Parce que sinon, Facebook l'a échappé un peu là-dessus. Mettons. Facebook a fermé des pages pour beaucoup moins que ça. Ah, pourtant, je me suis plaint sur Facebook et j'ai reporté plusieurs fois une page d'un groupe anti-homosexualité pour propos haineux. Puis Facebook a toujours répondu « Ah, c'est des règles ». C'est drôle parce que il y a eu une petite polémique avant le temps des fêtes. Ceux qui connaissent la Narcopanda, on fait une grosse parenthèse, là. La Narcopanda pour la gratuité scolaire, là, qui était le doux dans, c'est un prof de cégep, en fait, oui, qui en 2012 s'est déguisé en panda pour aller donner des câlins dans les manifestations pour calmer les gens. Bon, il est très actif sur Facebook. Puis, il y avait eu une polémique à propos d'un de ses collègues de travail qui avait critiqué un professeur de philosophie de l'Université de Montréal sur ses positions par rapport aux accommodements raisonnables, puis qui lui avait fait dire des choses qui étaient complètement fausses. Bon, là, je veux pas embarquer là-dedans, mais que, bon, finalement, la Narcopanda avait, dans le fond, cet enseignant-là qui avait fait dire des choses fausses l'avait fait publiquement, entre autres, sur Facebook. Ouais. La Narcopanda, tout aussi publiquement sur Facebook, avait critiqué sa critique pour dire que c'est complètement faux. Le professeur de l'UDM n'a pas dit ça. Il n'a jamais sous-entendu les choses qui étaient sous-entendues. Puis Facebook a, puis dans le fond, le critiqueur qui s'est fait critiquer a dans le fond, reporté à Facebook le commentaire de la Narcopanda, puis Facebook l'a retiré parce qu'apparemment c'était haineux. Ben, des fois, d'après moi, je pense que c'est deux poids, deux mesures et ça dépend sur qui tu tombes. Parce que pour vrai, un saint qu'on voit le côté parce que la femme est en train d'allaiter se fait retirer sa page, bannir de Facebook, et des propos haineux anti-homosexualité se fait pas fermer. Ça dépend vraiment de la personne sur qui tu tombes. D'après moi, il y a peut-être des chrétiens de droite aux États-Unis qui sont responsables de fermer les fois. Ça. Ils disent ah non, gars, cachez ce saint que je ne saurais voir. Mais bon, c'est la quantité de pages Facebook qui existe. C'est sûr qu'il y a plus qu'une personne qui s'en occupe. Puis probablement. Mais faut que ce soit les mêmes standards pour tout le monde. C'est comme les policiers en tant que tels, ou mettons, je sais pas moi, la plus haute cour supérieure des États-Unis. Ils ont toute une constitution à suivre, une Bible à suivre. Tu sais, genre, pas de Bible, mais un livre de règlement. Mais ça devrait tout être pareil pour tout le monde. Mais tu vois quand même des divergences parfois. C'est l'interprétation de la loi aussi. De l'interprétation du règlement. Puis oui, il y a des préjugés personnels qui rentrent là-dedans. Ouais. Un autre exemple, ceux qui connaissent le détesteur. Qui écrit dans le journal Urbania à Montréal. Ouais. C'est dans l'Urbania, non, c'est dans le Nightlife, le détesteur. Bon, sur Facebook, il s'appelle Murphy Cooper. On sait tous que c'est pas son vrai nom, mais en tout cas, il fait beaucoup. Il fait du, j'appellerais ça du militantisme niaiseux, c'est-à-dire qu'il milite en disant des niaiseries. Une chose qu'il a faite, entre autres, c'est qu'il a changé sa. Il a pris sur une photo de femme nue, il a pris juste les mamelons de la femme nue, puis il les a collés sur sa photo à lui. Lui, c'est un gars assez rond et barbu. Puis, juste pour montrer comment est-ce que Facebook ne réagit pas, puis il l'a carrément écrit en dessous de la photo, il a mis le lien de la, c'est le même de la photo mamelon, d'où ce que ça venait, puis tout. Puis, tu sais, c'est très mal collé, là, il a fait ça sur Paint. Là. C'est, comme on dit, un titre peu stupide. Ah, c'est ça. Mais ça, d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, il est très irrévérencieux. C'est très drôle. Il est vraiment très comique. Mais en même temps, que serait ta chronique sans une parenthèse? C'est sans une immense parenthèse, mais c'est le fun où ce que ça nous amène. Un bonnet double. Il y a quelque chose d'important dans ce que tu as dit, c'est la notion de deux poids, deux mesures. Oui. Et on va y revenir, si j'ai le temps, à la fin. Ouais. Donc, je vais essayer d'y aller vite. Bon, ce que je voulais parler plus que tout, parce qu'on s'entend dire qu'il y a eu des agressions, on peut pas discuter du fait que c'est pas une bonne chose. Non. C'est comme assez clair. Et on peut pas non plus discuter de c'était peut-être la faute de la fille. Ça, qu'on embarque pas là-dedans, c'est plein personne. Puis d'ailleurs, la mairesse ou le maire, je m'appelle plus, je pense que une mairesse de la ville de Cologne a effectivement mis ça un peu sa faute des femmes. Il aurait dit, ben là, elle est pas dans ce coin-là. Puis ça devait être un maire. Ça, c'est imbécile. Ça devait être un maire. Non, mais moi, il me semble que c'était une mairesse, justement, ce qui rendait ça encore plus insultant. Oui, on t'aime. Tu sais, quand tu te fais agresser de même sur la rue, tu peux pas dire que c'est la faute de la fille. Non, il y a aucune raison. C'est pas parce qu'une jupe est courte, t'as aucune raison de dire oups, je me sens faire Jake Mac. Il y avait un bon. J'ai trébuché puis je me suis tombé dessus. C'est ta faute à toi, le violeur. Il y avait un graphique qui se promenait sur Internet. Je pense que je l'ai d'ailleurs. Je pourrais te l'envoyer pour que tu le mettes sur la page. J'aimerais ça. C'est un pie chart, là, tu sais, un graphique en pointe de tarte. Qui est dans le fond sur le côté illicité plein de les causes possibles de viol, tu sais. Puis là, c'est toutes des choses comme, tu sais, des jupes trop courtes, des veillées trop tard, être saoul, ainsi de suite. Puis le dernier en bas, c'est les violeurs. Puis le pie chart, c'est juste les violeurs. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Mais il n'y a aucune raison valide et valable dans ta tête de dire, OK, je vais te violer. Ouais, c'est ça. Ah, excuse, sa jupe était trop courte. Fait que je me suis dit, pourquoi pas la violer? Pour vrai, je vois donc, même pas. C'est dégueulasse. Donc, on ne le dira jamais assez, mais on va continuer. S'il te plaît. Donc, ce qui a peut-être un peu plus fait polémique, en tout cas dans les cercles que je fréquente, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que les féministes, dans le fond, le mouvement féministe, étaient lents ou lentes à critiquer la situation, entre autres parce que on sait bien, c'est des immigrants puis des demandeurs d'asile, donc ils se tiennent tranquilles, ils veulent pas trop. tu sais, on sait bien la gauche, comment qu'il dit ça, la gauche idiote utile de l'islamisation et ainsi de suite. Faut dire aussi que les gens ont peut-être peur d'en parler pour peur d'avoir l'air raciste. Ben c'est exactement ça. Ce il y a un concept dans les mouvements militants de la sorte, particulièrement dans le mouvement féministe, qu'on appelle l'intersectionnalité. Ouais. J'espère que je l'ai dit comme il faut. En gros, ça, ce que ça veut dire, c'est que parfois, la cause pour laquelle tu milites peut, si tu fais pas attention, causer du tort à une autre cause tout aussi importante. Ouais. Puis c'est pour ça que c'était touché pour les féministes de prendre position rapidement et à chaud. Faut y penser un petit peu avant de le faire. En prenant position, critiquant ce qui s'est passé là, ben c'était trop dangereux de rajouter aux préjugés que vivent les immigrants. Mais tu vois, parenthèse. Oui, parenthèse. Au Golden Globes, Ricky Gervais a fait une blague sur Caitlyn Jenner. Et les gens, évidemment, il y en a qui l'ont mal pris, tu sais. Donc il a dit de dire que faire une blague contre Caitlyn Jenner est de la transphobie, c'est comme dire que faire une blague de Bill Cosby, c'est du racisme. Faut pas englober tout. C'est pas parce que tu parles d'un sujet que soudainement ça veut dire que t'es contre tout ce monde-là, ça devient pas du racisme. Ben, c'est ça, faut faire attention parce que, tu sais, ça dépend si tu fais une blague en tant que personne pas membre de ce groupe minoritaire-là, puis que t'attaques le groupe minoritaire à travers cette personne-là, puis faire une blague sur la personne, puis je pense que si tu veux atteindre l'égalité, ça fait partie de la chose. Quelqu'un fait une blague sur quelqu'un fait une blague sur une personne blanche, mettons, est-ce que tu vas soudainement dire, mettons que c'est un noir qui va faire une blague contre quelque chose que les blancs font ou que tout le monde fait, on va certainement pas lui dire qu'il est raciste contre les blancs. Non. Non, parce qu'on l'entend vraiment rarement. Ça s'appelle deux poids deux mesures. Ça arrive pas souvent, mais c'est pas nécessairement deux poids deux mesures parce que c'est une situation un peu différente. Ouais. Parce que, mettons, particulièrement si tu vas aux États-Unis, le noir est une minorité visible. Ouais. Mm-hmm. Puis c'est ça que je disais, c'est qu'il y a moyen, quand je dis faire des blagues, il y a moyen de faire des blagues, même, je pense, qu'il serait possible de faire, mettons, au Québec. On a déjà une histoire moins, je sais pas comment dire, t'sais, les droits des Noirs il y a eu un peu moins de ségrégation. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il y en a pas. Je pense qu'il y en a quand même. Ouais. Ça existe encore, mais c'est moins peu. Je pense qu'il y aurait moyen. Puis là, je la connais. Je veux dire, je l'ai pas en tête, la blague. Mais je pense qu'il y aurait moyen. Dans l'absolu, c'est pas n'importe quelle blague sur les Noirs au Québec qui serait inacceptable. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Fait. Caitlyn Jenner, Ricky Gervais a dit j'ai beaucoup changé cette année, pas autant que Caitlyn Jenner. C'est ça la blague. OK, bon, ça... C'est juste un fait, c'est de montrer un fait. Ben, tu vois, ça, c'est... Ils ont fait une blague sur la situation, mais c'est pas... Moi, je la trouve drôle. Ça, c'est un bon exemple, je pense, de blague. Parce que oui, c'est un changement assez flagrant. C'est ça, ben, c'est Ricky Gervais, c'est un gars qui est intelligent. C'est un fait. Mais une des choses, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Exactement. Tu sais, il y a juste... Il a fait une boutade sur le fait, c'est pas un... Ouais, c'est ça. Il a rien dit qui était exagéré. C'est ou ça. Bon. Mais les gens l'ont mal pris. Bref. Mais c'est ça. Revenons à nos racontons c'était quoi en gros pour ceux qui ont manqué. Puis je parlais des agressions qui ont eu lieu au jour de l'an à Cologne en Allemagne puis qui ont fait beaucoup réagir parce qu'apparemment que ceux qui auraient perpétré ça, c'était des agressions entre autres de nature sexuelle. Voilà. Ceux qui auraient perpétré ça, c'était... Ça l'aurait été apparemment des immigrants et certains demandeurs d'asile syriens. Mais ça, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien confirmé. Non. C'est très dur à valider. Puis bon, là où ce que j'étais rendu là-dedans, c'est que le mouvement féministe a été critiqué pour son manque de ferveur, mettons, dans sa réponse. Une féministe bien de chez nous, Judith Lucie, excusez la voix, moi. Ouais, on a tous ce problème-là. Ouais, hein, c'est l'hiver. Ouais. Judith Lucie, qui est une chroniqueuse, entre autres, très féministe, elle-même membre de la communauté LGBT, assez connue à Montréal, dans la région, on la connaît un peu moins, mais moi, je l'aime bien, en fait, depuis un certain temps. Elle a déjà été un peu plus intense qu'elle est, mais présentement, je trouve que c'est une très bonne... Si vous voulez la lire, elle écrit dans le journal Métro. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est qu'en gros, elle a répondu un peu en boutade, mais elle disait, tu sais, est-ce que c'est que le mouvement féministe n'a pas répondu, ou plutôt n'a pas répondu de manière aussi raciste que certains s'y attendraient? Uh-huh. Parce que c'est ça qu'il y a, c'est que il y en a beaucoup qui disaient, ce qu'il faut dénoncer là-dedans, c'est pas nécessairement le fait qu'il y a eu un viol, mais c'est le fait que ça a été fait par des demandeurs d'asile et des immigrants. C'est là que j'appelais tantôt le concept d'intersectionnalité embarque, c'est que non, il faut dénoncer l'acte, faut pas dénoncer l'origine et le groupe auquel cette personne-là appartient. Je pense que c'est logique, il me semble. C'est ça. Surtout dans cette sphère-là, mettons, là, on parle de viol. viens me faire croire que c'est juste parce que c'est non. des immigrants. Ben, c'est ça, c'est mon prochain point d'ailleurs, mais juste avant de m'y rendre, il y a une chose que je dis aussi, c'est que ça m'énerve quand on essaye de dicter le discours que d'autres devraient avoir. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit justement, là il y a un groupe de souvent c'est les gens justement qui sont plutôt nationalistes, occidentaux, plutôt opposés à l'immigration. Pour généralement, moi, c'est rare que je vais trouver qu'ils ont des bonnes raisons. Hein. Mais puis ils vont souvent avoir tendance à dicter un peu ce que les autres devraient dire. Comme quand il y a eu des attentats, les attentats de Paris, entre autres, eux autres disaient « Ah, mais les immigrants doivent dénoncer les musulmans qui vivent en Occident doivent dénoncer, même les autres musulmans doivent dénoncer, mais ils n'ont pas d'autorité pour dire aux autres ce qu'ils devraient dire, comme ils n'ont pas d'autorité pour dire le mouvement féministe devrait dire telle chose. Il y a une chose de critiquer que tu t'attendrais à ce qu'ils prennent position là-dessus. S'il vous plaît, prenez position et peut-être critiquer la position aussi, mais de là à dire vous auriez dû dire ça ou vous devriez dire ça. Ça, je trouve que c'est une mauvaise habitude qui commence à avoir dans le commentaire. C'est le léger manque d'ouverture d'esprit, tu sais, c'est ça, comme n'importe quelle discussion, tout le monde pense comme ça maintenant. Tu sais, pourquoi tu penses de même? T'aurais dû penser de même. Mais non, c'est irréfutable ce que tu dis. Moi, pour clore un peu cette section-là, il y a une de mes amies du secondaire qui disait souvent « Don't argue with idiots, they will bring you down to their level and beat you with experience. » Ben oui, tout à fait. C'est pas avec des idiots parce qu'ils vont, descendre à ton niveau. Puis ils vont te descendre à leur niveau et te battre avec leur expérience. Voilà. C'était longue ta phrase. C'était un prof de philo aussi qui disait ça au collège. Bon. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Des fois, c'est essayer de prendre le contrôle de la discussion, puis ils ne trouvent pas ça correct. L'autre point que je voulais amener par rapport à ça, c'est que, bon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ces agresseurs-là, à Cologne, au jour de l'an, auraient été des immigrants et ou des demandeurs d'asile. Bon, premièrement, il y en a qui disaient que c'est culturel, puis l'aspect culturel de la chose doit être dénoncé, puis tout. OK, sérieusement, y a-tu vraiment du monde qui pense que, mettons, là, chez les Blancs occidentaux, présentement en Occident, des agressions sexuelles, ça n'existe pas? Mettons, dans les universités, mettons dans les universités, partout, il y en a, Colin, arrêtez de... Tu sais, il y a des statistiques. Dans l'article de Rima El-Khoury d'hier dans la presse, si je me rappelle bien, c'était dans la presse en tout cas, c'est soit Rima El-Khoury, soit c'est Patrick Lagacé, mais il me semble que c'est Rima El-Khoury. Elle disait que c'est presque une femme sur trois au Canada va être victime d'agression sexuelle dans sa vie. Wow. On s'entend-tu que c'est pas tous des immigrants qui ont fait ça? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, bon, premièrement, ça c'est pour les faits. Ensuite de ça, si ces agresseurs-là étaient bel et bien des demandeurs d'asile, en fait, certains de ces agresseurs-là avaient bel et bien... Même si tous avaient été des demandeurs d'asile, ça n'équivaut pas à dire que tous les demandeurs d'asile sont de dangereux agresseurs. C'est ça. La causalité, l'effet de... Ça marche pas. Dans les chiffres que j'ai vus, le plus grand nombre que j'ai vu à Cologne en Allemagne qui ont créé des problèmes, c'était une trentaine de personnes. Ouais. Qui auraient participé à ces événements-là. Donc, admettons que tous ceux-là, c'est des demandeurs d'asile syriens là, récents. Savez-vous combien qu'il y a de réfugiés présentement en Allemagne? Non. 1 million. Wow. Depuis 12 mois. Mm-hmm. On s'entend-tu que 30 personnes là-dessus, c'est quand même mieux que les stats des Occidentaux? Je dis ça de même. Mettons, là. J'ai même pas calculé le pourcentage que j'ai fait, puis je pourrais en calculer mental, j'ai pas de papier devant moi. C'est virgule quelque chose. Mais on comprend-tu que c'est des peanuts, OK? Fait que, puis d'ailleurs, une des raisons, c'est que une bonne partie des demandeurs d'asile, puis là, je l'ai mis au masculin neutre, mais en fait, c'est des demanderesses d'asile qui se poussent de la guerre qui se passe dans leur coin, qui est en train de rattraper tranquillement pas vite toute la Syrie. Exact. Et que, ben, en gros, ils se poussent pour ne pas vivre exactement ce genre de choses-là. Oui, exactement. Puis là, t'arrives là-bas. On va les pénaliser à cause de 3-4 tapons. Puis, loin de moi! L'idée... Oh, le loin de moi! L'idée de crier à la théorie du complot. Cependant, je vois ça plutôt comme un pensez-y bien parce que ça serait possible. Je suis pas en train de dire que c'est le cas, c'est vraiment que de la spéculation, mais... Sachant que l'État islamique voudrait bien aller rechercher tous ces demandeurs d'asile-là et a fait des pieds et des mains dans les derniers mois pour empêcher les gens de se pousser de la Syrie et s'en venir se réfugier en Occident. Parce que oui, ils veulent ça, eux autres, ils en veulent la chair à canon. Ouais, c'est ça. Hein? Ils ont, pour différentes raisons d'ailleurs, qu'on commencera pas à discuter. C'est une autre chronique. C'est une autre chronique, puis honnêtement, regarde, je dis pas des esprits non plus. non, c'est ça. moi, je dis ça de même, mais il me semble que ça tombe bien dans les intentions de justement du groupe armé État islamique de encore faire mal paraître les immigrants en Occident, les demandeurs d'asile puis tout ça. Peut-être qu'on est encore un petit peu en train de jouer leur game. Ouais, on tourne pareil dans le panneau, comme, c'est ça. C'est pareil comme quand il y a eu les attentats, pareil comme. On fait exactement ce qu'ils veulent. Ben, c'est ça. Ils nous mènent par le. J'ai l'impression que des fois, ils mènent l'opinion publique occidentale par le bout du nez. Ils nous comprennent plus que nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Puis là, je dis, c'est de la grosse théorie du complot, ce que je dis là. C'est probablement pas aussi habile que ça. C'est probablement beaucoup plus. Tristement banal comme situation. Ouais, c'est ça, je mais bon, ça pour dire que c'est pas parce que c'est des musulmans, c'est pas parce que. Puis ça, on le dira jamais assez. C'est pas écrit dans. C'est pas plus. Faut quand même nuancer, c'est pas plus écrit dans le Coran que c'est correct de violer que dans la Bible. Ouais, non, c'est ça. Ou que dans la culture occidentale athée, entre guillemets. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des. C'est pas bien pour personne, pis c'est pas. T'sais, mais qui fait ça, sérieusement, d'aller créer un groupe, un événement, là? Ce soir, c'est là que ça se passe. Ça, c'était ma théorie. Ça, c'est tout. Non, mais ça a été pensé, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une gang de chums qui se sont ramassés sur le coin de la rive et qui ont fait « Hey, check la chaise, on pourrait tous se mettre dessus, tu sais. » Ben, c'est pas impossible, en fait. Non, mais c'est ça, c'est parce que, sérieusement... Mais là, il y en a fait sur plus qu'une. Je me tiens plus beaucoup au centre-ville, honnêtement, mais... J'ai déjà entendu des choses qui ressemblaient à ce que t'as dit là. Peut-être en juste un peu moins pire, en avant du D'Artagnan à travers une bière il y a quelques années. En effet. Pogné une fois. Mais je dois le dire parce que je suis sortie avec deux de mes amis récemment. C'est comme arrivé, mais par une autre fille aussi. Ah oui? Tu sais, oui, c'était... On peut pas dire que c'est de la faute de la fille là, de se faire violer. Okay? Mais même ce que les filles font, parfois, ça peut porter à confusion. C'est tout ce que j'ai à dire. Que t'as l'impression qu'elle donne un signe pour... Ben, tu sais, quand trois filles dehors fument pis vous sifflent, c'est comme bizarre. Ouais, mais veulent se faire remarquer. Elles disent pas « entre dans mon orifice ». Ben, les gars non plus. Ben, ça dépend quand. Non, je trouve pas. Et non. Mais c'est que ça justifie pas... Non. Si elle dit non, ça justifie pas d'outrepasser ça pareil. Non. Mais ça crée une ambiguïté, c'est sûr. Oui, effectivement. Parce qu'elle-même projette le fait que les gars auraient le droit de le faire. Ouais, t'sais? Mais non en même temps, tu sais. Comme je te dis, tu sais, c'est que tu peux bien. Tu sais, là, c'est parce que c'est touché de l'expliquer dans ces termes-là. Ouais. Mais l'analogie avec la tasse de thé, je sais pas si, ah, si c'est bon, vous l'aviez ça. Vu passer. Mm-hmm. Il disait, tu sais, tu peux prendre le temps, de, mettons, imaginer le fait de préparer et de boire du thé avec quelqu'un comme une métaphore pour une relation sexuelle. Ouais. Mm-hmm. Le temps de préparer le thé puis tout ça, quelqu'un a peut-être, la personne en face de toi a peut-être te dit, oui, j'ai le goût de boire du thé. Fait que là, tu fais bouillir l'eau, fais infuser tes feuilles de thé. Là, tu verses les tasses, puis finalement, la personne est comme... Ça ne tente plus d'en boire. Ça ne tente plus, finalement. Mais tu ne vas pas y forcer dans la gorge. Ouais. Même principe. Ouais, tout à fait d'accord sur ça. C'est ça. Fait que oui, peut-être que la fille faisait son nagasse. Peut-être que c'est un comportement qu'on peut trouver très ordinaire. Et peut-être que, oui, à la limite, on peut dire que c'est dangereux. Mais de là à dire que, ouais, c'est à cause de ça qu'elle... Ça, non, je suis d'accord, d'accord sur le fait de dire que c'est pas à cause de ça. Il n'y a aucune raison valable de dire qu'un viol est justifiable. C'est complètement... Non. Je vais vous mettre la capsule que tu dis sur... Il y a une capsule YouTube sur ça, exactement comme ça, qu'il décrit comme faux. Je vais vous la mettre sur la page Facebook. Bonne idée. C'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pédagogique en plus. Mais ils apprennent ça aussi en droit, là. T'sais, ils apprennent que si, en premier lieu, la fille te dit oui et qu'elle dit non, peu importe quand est-ce qu'elle va te dire non, faut que t'arrêtes. Un oui veut pas nécessairement dire oui tout le temps. C'est ça, exactement. Du moment que le non est dit, t'arrêtes là. C'est ça. Mais ça, il me semble, encore une fois, ça a l'air super logique, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et, c'est ça, puis il y a des, tu sais, il y a des situations qui sont très évidentes. Il y en a d'autres, des fois, que ça va être plus flou un peu. Justement, ouais, comme dans un cas, comme tu dis, des fois, oui, il peut y avoir une incompréhension aussi, mais je pense pas que c'est la majorité des cas quand même. Je suis pas un spécialiste de tout ça, mais moi, j'ai l'impression que souvent, on en met beaucoup sur le dos de tout ça, puis que... Pour justifier un peu ou diminuer la faute de juste un gars qui a un comportement qui a un comportement inacceptable. Qui a juste mauvaise pas de personne, contrôle. C'est ça, exactement. Mais puis je voulais juste terminer. On parle de ça, puis bon, tu sais, pour juste rappeler encore, très rapidement, je parlais des agressions du jour de l'an. À Cologne. à Cologne, que ça aurait été des... Puis là, que le monde s'énerve à cause que c'est des, ça aurait été des immigrants et des demandeurs d'asile, des réfugiés, ainsi de suite. Présumément. Puis pendant ce temps-là, en Oregon, aux États-Unis, il y a une gang de dudes avec des armes automatiques. Ouais. En dessous, d'ailleurs, si vous allez checker, Oregon Militia, dans le fond, Milice Oregon en anglais, vous allez rapidement tomber sur des articles avec photos des gars, je veux dire, sont équipés de... Du coup, tu penses que c'est l'armée américaine qui est là. Et non. Mais les gars sont équipés, ils sont en treillis au complet de combat. Les ceintures d'armes, les armes automatiques, les pistolets, tout le kit. Le macaron de Donald Trump. C'est... c'est ça. Puis bon, ces gens-là, à base d'histoire, puis là, j'ai lu très rapidement sur le sujet, mais c'est qu'eux autres, en gros, c'est qu'il y a un parc national proche de où ce qu'ils sont. Ça, c'est des rancheros, ces hommes-là, dans le fond. C'est des gens qui ont des ranchs, qui élèvent du bétail. C'est pas des petits bâtonnets de viande, ça, les rancheros? Ben, en fait, c'est le mot sud des États-Unis, probablement originaire de l'espagnol, pour quelqu'un qui possède un ranch. Un peu un fermier, dans le fond, mais sauf que les autres appellent ça un ranch, une ferme de bétail, dans cette partie-là des États-Unis. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a eu... une famille de ces rancheros-là, dans le fond, le père et le fils, qui ont incendié des terres qui appartenaient au gouvernement, mais qui jouxtaient, mettons, leurs terres à eux autres. Je sais pas pourquoi ils l'incendiaient. Probablement pour ça, je comprends pas trop, mais ça a probablement rapport avec leur élevage, là, mais en tout cas. Mais il n'y avait pas le droit de le faire parce que c'était des terrains qui appartenaient au gouvernement, puis entre autres à un. Ces terres-là, je suis pas certain que c'est le cas, mais en tout cas, en gros, ce qui est arrivé, c'est que suite à ça, eux autres se sont fait condamner pour une deuxième fois à faire de la prison à cause de ça. On s'entend que ça commence à être sérieux. Puis il y a des milices qui s'est organisées autour d'eux autres qui ont décidé d'occuper un parc national qui n'était pas dans la même région pour que les gens de ce comté-là, dans le fond, ces citoyens-là, récupèrent la possession de ce territoire-là, comme si quelque chose qui appartient au gouvernement t'appartient pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'eux autres, en gros, c'est qu'il y avait différentes personnes qui, sur ce parc national-là, voulaient pouvoir faire paître leur bétail. Ah, c'est pour ça. Voilà. Puis là, dans le fond, eux autres, leur réponse à ça, ça a été de sortir leurs armes automatiques, leurs M16 et leurs... c'est ça, là, c'est pas des gommes de chasse qu'ils ont, là. Ouais. C'est des armes automatiques non, de guerre. C'est cool, de voir à quel point ils peuvent être équipés là-bas. Hein? C'est très impressionnant. C'est pas très surprenant, je trouve, par contre. Mais c'est pas très surprenant, mais sur Internet, pas censé. Ça fait quasiment peur. Puis là, c'est qu'on regarde ça, puis tu te dis... Je veux dire, c'est tous des hommes blancs, anglophones, américains. Mais si ces bonhommes-là s'appelaient, au lieu de s'appeler... Gaétan, s'appelait Hammond. Comment ils s'appelaient? Hammond, je pense, ceux qui ont été en prison ou Don quelque chose. S'ils s'appelaient, mettons, Mohamed... ouais, c'est ça. Je sais pas quoi, là. Pastag. Puis qu'il avait la peau un peu plus foncée puis des nez un petit peu plus camus. Est-ce qu'on dirait que c'est une milice? Ouais, exactement. Je pense que c'est pas ça le mot qu'on utiliserait. Qui était comme soit réfugié oui, ou peu importe. Juste un, là, ça aurait assez. Été son idée. Ça aurait été. Là, je m'excuse, mais on n'aurait pas dit une milice, on aurait dit que c'est un groupe terroriste. Ouais. Exactement. Et on aurait dit que c'est lui qui était à la tête de tout ça. C'est un extrémiste. Terroriste extrémiste, mais ça. Mais ça. Ouais. Ben, on s'entend-tu pour dire que s'ils ont des guns de même, d'après moi, sont extrémistes aussi? Ouais. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Oui, je m'excuse, mais les gens de confession musulmane n'ont pas le monopole de l'extrémisme et du radicalisme. Exactement, il y en a partout de ça. Ouais. Je tiens à rappeler que jusqu'au 19 octobre dernier, on avait des ministres qui étaient créationnistes au Canada. Au Canada, là, même pas dans le Deep South aux États-Unis. Là, au Canada. Pendant que c'était encore Harper. C'est ça, sous le gouvernement conservateur. On a pu, c'est prouvé avec Trudeau qu'on a plus de créationnistes? Ben, je pense que non. OK. Cool. Généralement, les créationnistes sont pas très, très libéraux dans non, la vie. Ouais, ah oh boy. Hey, ça se peut-tu des affaires la main? C'est ça. Merci Sébastien Vigard. Ça me fait plaisir. Les parenthèses vont servir à quelque chose. Il y a rien d'inutile, je pense, dans la chronique d'aujourd'hui. Non, on espère que ça a été éducatif. Je trouve qu'on a dit il faut falloir que je m'en trouve une plus légère pour la semaine prochaine pour compenser. Non, mais c'est... Je pense, tu sais, j'ai trouvé ça quand même assez léger parce qu'on pouvait quand même en discuter. Oui. Et tu sais, on est capable de dialoguer, on n'est pas boqué sur un... Exactement. Il y a peut-être des gens qui nous écoutaient qui n'étaient pas d'accord avec nous, mais ça c'est votre problème. Exactement. Et comme on a mentionné hier, je crois, on est rendu avec au moins 3 chroniqueurs qui parlent d'actualité un peu internationale, mais qui l'apportent de façon différente. Sébastien Vigartin, le mercredi matin à 8h, qui parle de nouvelles, je dirais, at large, mais d'une façon un petit peu plus exposons les faits et apprenons sur le sujet. Hein? Beaucoup, oui. Et discutons-en. Discutons-en. On a un petit nouveau, Jimmy Thibodeau, qui est venu voir hier. Qui lui... pour l'instant, on ne sait pas encore trop où il s'en va là-dessus, mais ça n'a pas l'air d'être tellement de l'opinion. Non, ça a plus l'air d'être fait. C'est ça. Alors que... Qui est discutable aussi. Oui, quand aussi, même, parce qu'hier, on en a discuté aussi. C'est bien vrai. Et puis Samuel Girard, qui est là le lundi avec nous, qui lui est de l'autre direction par rapport à Sébastien Viguartin, mais lui fait plus dans l'opinion. Oui, et sur voilà. l'actualité. Et pas mal plus au niveau canadien-québécois. Ouais. Bon, fait que c'est quand même pas mal de variété d'opinions et d'exposition de faits sur l'actualité. On aime ça comme ça. C'est une session particulièrement intense sur l'actualité. Je trouve ça cool. Mm-hmm. Vraiment le fun. Bref, surveillez-les tous les jours à Assemblage Requis. Merci encore une fois, Sébastien Viguartin. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. À la semaine prochaine, mercredi, à 8h du matin. On se surveille aussi dans une nouvelle émission qui s'en vient, mais on n'en parle pas parce qu'elle n'est pas encore en onde, c'est ça? Ouais, on c'est ça. C'est-tu signé? Ben, d'après moi, signature n'a pas eu lieu, mais... Ben, t'as une signature derrière ta feuille. Ouais. Fait que si c'est pas signé, on en parlera la semaine prochaine. Mais visite des studios a été fait. Ben, c'est signé, en fait. Voilà. Mais dans ce cas-là, je sais pas trop sûr à quoi tu faisais allusion exactement, mais... Ben, qu'on sache la date de ton début, on pourra en parler. Ouais. Ben, je la sais. Bon, ben là, parlons-en d'abord, quand voilà. même. Voilà! Tu l'as pas dit! Est-ce qu'on voit notre ami Frédéric Bernard? Non, donc on peut parler encore. Ouais, c'est ça. Bon, ben, après en gros... C'est ça que je me disais. Premièrement, c'est pas juste mon bébé, ça va être un projet conjoint avec Lucas Hubert, qui est celui qui m'a remplacé à l'éditorial dans le Zone Campus, dans le fond. Oui. L'émission va s'appeler Grande Primeur, première fois qu'on le dit en nombre. Oh, attention, roulement de tambour! Va s'appeler La sortie de secours est à votre gauche! Oh! Tania, faut t'applaudir. Excusez. Dans le fond, on débute pas jeudi prochain, mais l'autre. Okay. Dans le fond, D'accord. C'est le 21, si ma mémoire est bonne. En après-midi? Ça commence bien. En après-midi? En après-midi. Tout de suite après le dîner de con, à 13h. C'est fou raide. C'est fou raide. Ah! On l'a jamais fait. Ah! Mais c'est excitant, ça. C'est vraiment excitant. 13h jeudi prochain. Ouais, ben vous allez traiter prochain, de sujet d'actualité, là, j'imagine. Oui. Ouais, mais c'est on va traiter de sujet d'actualité, mais c'est ça. Ça se veut, ça va se vouloir léger. Plus humoristique que ce que je fais ici. Heures, non, une heure. Une heure, okay. Une heure parce qu'on est des gars occupés nous autres. Wow. Correct. Okay. Et ça va être c'est drôle parce que jeudi matin, ça va être le retour de Julien Liberté aussi la semaine prochaine. Donc le matin, tu vas avoir gars de droite, Samuel Girard. Et l'après-midi, deux gars de gauche. Pas de gauche. Ok, il est dans le titre de l'émission. Il est un petit peu moins dans le titre de l'émission. Et sont deux le matin. Deux le matin et deux l'après-midi. Ça va se contrebalancer. Le titre qu'on va être dans le centre. C'est ça ce qui est drôle. J'ai mis en liberté. J'ai pas eu la confirmation, mais est-ce que c'est encore Stéphanie qui va être avec Samuel? Oui. Fait que c'est drôle parce que le matin, ça va être les génies de droite, puis l'après-midi, ça va être les philosophes de gauche. Oh, c'est beau, c'est beau. Puis avec Danny au milieu qui va. T'aurais dû prendre une référence. Qui va lui aussi faire de l'actualité, mais divers. T'aurais dû avoir genre philosophe quelque chose comme génie en liberté. Mais ça aurait été trop calqué dessus, puis on aurait trop eu l'air de vouloir juste dire le contraire de lui. Ouais. Ça va nous faire rire. Parce qu'on l'aime, Samuel. Oui. Hey, invitez-le dans votre show, voir. L'invitation est lancée, mais non, mais on est capable d'être respectueux puis tout. Puis je veux dire, oui, il y en a des gens qui défendent les opinions de Samuel qui sont très agressifs et déplaisants. C'est pas le cas de Samuel. Il y a des gens qui défendent les opinions que moi puis Lucas, puis déjà, moi puis Lucas, on n'est pas du tout le même genre de gars de gauche. Okay. Mais qui défendent à la fois mon genre d'opinion et le genre d'opinion à Lucas, qui sont très agressifs et très méchants, mais c'est pas notre cas. On est gentils, oui. Pour dire Sugar Sammy puis Mike Ward aux Olivier l'année passée, on est gentils, nous autres. Ben oui. Mais on est gentils pour de vrai. Fait que on va peut-être être. On s'est dit justement qu'on se permettrait peut-être d'être baveux si le contexte si prête. C'est là, moi, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas pour surtout un collègue, c'est pas pour insulter non plus. Fait que on verra. Ouh, on a l'invitation est lancée. On s'en était parlé peut-être justement d'inviter Samuel. Fait qu'on verra quand que ça va donner puis. On sait qu'il va être d'impérage, de toute façon. C'est ça, le jeudi, surtout. Ça reste très, très excitant comme projet. Rappelle-nous le nom et l'heure et la date. Ça va être le jeudi prochain. Ben pas le prochain, je t'aime pas demain, mais l'autre 21, jeudi. Le 21 à 13h. Tout de suite après le dîner de cons. À 13h. Puis ça va s'appeler La sortie de secours est à votre gauche. Et magnifique. Voilà. Merci, Sébastien Viguartin. Ben, merci à vous. Ça valait la peine de faire ce dernier merci de m'avoir permis de faire de l'autopromotion. Correct, on fait tout le temps ça. On va le faire chaque semaine dorénavant. Merci, Sébastien. Ben, c'est moi qui vous remercie. Autour de la pause, Frédéric Bernard et Google Globe à Assemblage Requis. Aujourd'hui. Vous êtes assez fatigué. 80 heures. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage Reiki. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki en ce mercredi 13 janvier 2015. Dans quelques instants, Frédéric Bernard et sa collègue Google Globe. Avant ça, on prend le temps d'écouter une autre pièce de musique. C'est un bon petit bout qu'on n'a pas entendu. Donc, écoutons The Town Heroes avec leur nouvel extrait du premier anglophone. C'est Cancellation. Ça te tente, Fabien? OK. Allons-y. Si tu le demandes si gentiment. C'est gentiment demandé. C'est à fond qu'on la joue. Tes yeux avaient l'air de dire joue. I watch the sun as it set on the west side. Heard a story I needed to hear. Found the things that I needed to find. Felt the flesh off your cheek as you neared. I wouldn't change it at all. Not a thing, no. All that I need is right. Whatever I wanted to be, I wouldn't change it at all. Not a thing, no. All that I need is right here, waiting for me. I wouldn't change it at all. Not a thing, no. All that I need is right. Heroes et Constellations d'Assemblage Reiki. Tania Baudin. Mathieu Plante. Est-ce que t'es prête à accueillir l'explorateur avec la petite lumière dans le front, là? Je suis prête. En fait, je me demande si c'était une lumière dans le front qu'il y avait ou c'était juste un... C'était juste un chapeau, mais ça... Un petit chapeau lumineux, je trouve. Ah, bref, c'était lumineux? Mais non. Je sais pas. C'est un petit chapeau d'explorateur. OK. Voici Indiana Jones lui-même, Frédéric Bernard et Google Club. Thank you. Bonjour Frédéric Bernard. Est-ce que ça... Je t'ai vu mettre les mains autour du micro comme si t'allais faire une voix de grotte, genre. Bon, bonjour. Ben, c'est le genre d'idée des fois qu'on a qu'on fait « Ah, non! » Un peu de gêne. En fait, j'ai juste pas compris ce que j'ai fait. T'avais les mains autour de ta bouche, en tout cas. Oui. Ça peut vouloir dire bien des choses. Oui. Mais c'est la première fois qu'on t'accueille en 2016 et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On s'est parlé la dernière fois à la mi-décembre, je crois. Il me semble fin décembre. À la fin décembre, j'avais accueilli une future collègue, si on peut dire, une fille. Cathy F. Côté. Oui, c'est ça. Une future fille, non, elle est fille en tout cas. Une future fille. Et on avait fait une chronique justement sur Noël pour faire finir 2015. Et bon, me voilà de retour, comme n'importe qui du retour des fêtes. Je considère qu'on est encore le retour des fêtes. Je trouve aussi. Oui. C'est notre première semaine complète en ondes. Oui. Je pense qu'on a fait mercredi, jeudi. Mais on est dans ce sentiment-là, justement, de retour et de questionnement. T'es-tu beaucoup questionné pendant le temps des fêtes? As-tu passé beaucoup de temps sur Google? Ouais, je te dirais que j'ai lu beaucoup de trucs sur Internet. J'ai regardé des Star Wars pour me mettre dedans. Fait que je me suis questionné sur est-ce que je serais capable de comprendre Star Wars la deuxième fois. Parce que la première fois, je dois dire que l'histoire m'a laissé perplexe. Je comprenais pas tout le temps ça. Ah, pas vrai? Je suis très lent Sur les films. Ouais. Mon Dieu. Il faut, faut qu'on m'explique des fois quel personnage a fait quoi, qui est dans quel... fait quoi, ça? Mais ça tombe bien que tu parles de Star Wars parce que ça me permet de faire un pont puis un lien puis toutes sortes de choses. Le pire, c'est que j'ai même pas lu ton article. Oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu ne lisais pas mes articles. Je vais être surpris, moi. Toi, Tania, est-ce que tu les lis? Oui. Oui? Ah, ok, bon. Elle aime pas ça, surprise, elle avait tout savoir à l'avance. Durant le temps des fêtes, alors durant l'année, bon, on souhaite tout le temps la bonne année puis on parle de qu'est-ce qui nous attend. Sébastien Guertin, qui était juste avant moi, je sais pas si c'était ça son sujet, mais pourra sans doute confirmer. On nous dit souvent 2016, qu'est-ce que ça va être? Ouais. L'année suivante, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Je suis resté un peu dans cette idée-là. Alors, de qu'est-ce que 2016 va être? Mais je suis allé une petite coche plus loin. Okay. Juste un petit peu. Plus loin. T'ambitionnes un peu. Oui, c'est ça. Un avenir très proche. Il voit loin, c'est tout. Ben, sur une ligne du test, c'est un avenir très proche. Oui, okay. En effet. Oui. Alors, j'ai posé la question à Google, où allons-nous être en 2050? En 2050? En 2050. Toi, tu niaises pas avec les affaires, toi. Tu t'en vas loin, loin, loin dans le futur. Mais oui, pourquoi prévoir les problèmes dans un an quand on peut les prévoir en 2050? Faut être prévoyant, même. Mais oui. Alors. La chose est responsable. Oui. Alors, j'ai toutes sortes de choses qui sont sorties en posant cette question-là. Alors, toutes sortes de trucs futuristes qui nous prévoient justement l'avenir de la Terre en 2050. Est-ce que t'es plutôt du genre optimiste ou pessimiste? Je suis pas mal pessimiste en regardant les humains sur Terre, on dirait. Ah, c'est triste. Moi, ouais, je sais. Ah. Ah, tu vois comment c'est... Mais ouais, non, l'imbécilité humaine et la pollution et tout ça, on dirait que ça va pas par en haut, ça va par en bas. Non. J'ai l'impression que les prochaines générations vont être dans le marbre. Mais tu crois à tout ça, là? Tout ce qui est... T'es pas un climato-sceptique? Non, absolument tout pas. Ça, non, crois, ou... Tania, toi, pessimiste, optimiste, climato-sceptique? Ça dépend à quel sujet. À quel sujet? Ouais. OK. Bien, sur l'avenir de la Terre. Est-ce que tu penses que plus tard, on va être dans l'espace ou... Mon Dieu, ça dépend où. Ça dépend où sur la ligne du temps, mettons. Mais je pense... j'ai goût de dire que j'ai foi. OK. Mais je suis quand même un petit peu pessimiste. En 2050, c'est l'année qu'on cherche là. Fait que là, on a deux pessimistes, puis un, j'imagine que tout a l'air positif en te regardant. Oui, ben, tu dis ça parce que j'ai un grand sourire. Oui. OK, mais ben, je suis optimiste. Lui, c'est quoi que t'as dit? Ben, moi, je suis dans l'optimisme. Alors, je me dis tout le temps, bon, il va arriver quelque chose. On prévoit toujours, l'humain a tendance à prévoir le pire. C'est pas mauvais. C'est ça. C'est mieux que de se faire de fausses attentes et d'être déprimé après. C'est pas mauvais. Dans toutes les sphères de notre vie. Oui. Fait que l'humain, puis même en faisant cette recherche-là, je l'ai vu que justement, un scénario catastrophe, il y en avait 1000. Alors, j'ai pu en voir plusieurs des scénarios catastrophes. T'es sauté ou t'es mis dans ta chronique? J'en ai pas mis beaucoup. Ouais. Je sais même pas. Je pense que j'en ai pas mis. Tu façonnes le web à ta façon, là. Non. Là, il va du côté très optimiste. C'est pas représentatif du vrai web. Non. Mais, dans le fond, la même recherche. Oui, mais c'est très facile. Vous tapez 2050, vous allez en trouver un scénario catastrophe. Ben, oui, non, c'est faux. J'en ai un. Mais okay. J'en ai gardé que le plus intéressant. Au non, moins. Je pense que j'en ai deux. Finalement, je pense que j'en ai trois. Alors, on commence à chroniquer. Alors, 1 à 5. Alors, dans les pages 1 à 5, dans les premiers que j'ai trouvés, alors, on commence ça sur quelque chose qu'on s'y attend. Ben, son, justement, un scénario catastrophe, finalement. Ouais, finalement, c'est catastrophique, je trouve. Ben oui, c'est juste que je suis tellement optimiste que je le vois même pas comme une catastrophe. dans le fond, c'est sur le site du Figaro, qui est un site français, alors dans la zone science de ce site-là. Je tombe sur un article qui parle de la famine en 2050, alors de la famine qu'on va vivre. Oui! C'est très optimiste, ça. Yeah. Non, non, mais attendez la suite. Okay. Mais... Donc, ça explique justement les problèmes auxquels l'humanité de 2050 va être confrontée. OK. Alors, le fait justement que ben, les terres agricoles, va falloir les augmenter si on reste au même rythme qu'on est. Je pense que c'est sur ce site-là qu'il parle. Oui, alors, ils font un calcul pour savoir le nombre de kilocalories qu'une société consomme par rapport à une autre, alors qu'une peuple. Un mm-hmm. peuple, les Canadiens, les ouais. Américains, c'est des peuples. Qu'est-ce qu'ils consomment par rapport à d'autres? C'est pas que t'expliques c'est quoi un peuple. Oui, moi je suis là pour... c'est un terme éducatif. Voilà. Donc, je trouvais ça super intéressant, mais il parlait que si justement c'est... je vais vous lire. Alors, un régime équilibré serait de 3000 kilocalories par jour pour une population. Dont 500 d'origine animale. Or, ce n'est pas le cas. Les pays développés sont à 3400 kilocalories. Les pays en transition, comme la Chine, l'Inde, à 2900. Et les pays qui sont en développement sont à 2000. Alors, et si on prend les extrêmes, sont à 2700, excusez-moi. Et si on prend les extrêmes, alors, du pays qui vit le plus la famine au pays qui mange le plus. Le pays qui vit le plus la famine est à 2000 kilocalories, alors qu'on devrait être à 3000. Et le pays qui vit, qui en a le plus, qui est à son extrême, est à 4000 kilocalories. OK, wow. Quand même. C'est beaucoup. C'est quoi la petite... C'est parce que... Ah. Ouais, Fred, il n'y a pas d'écouteurs sur la tête. C'est ça, exactement. Les enfants sont cachés. Et qu'il entend ce qui se passe. Ouais. Mais oui, moi, j'entends en studio, ça me dérange pas. Donc, c'est ça. Alors, j'étais surtout sur les kilocalories, alors qu'on était à 4000 pour les pays qui sont tout à fait en développement, qui sont vraiment comme à l'extrême. Puis c'est ça. Alors, ça parle justement que si on continue dans cette lignée-là, qu'on va... que finalement, il y a certains peuples qui vont vivre d'obésité et d'autres peuples qui risquent de vivre ben, un peu une partie... Ouais, c'est pas mal plus maigre. Ouais, même. C'est soit jusqu'à... Ben, mort sans suivre. Ouais, c'est ça. Tu penses que le Canada, c'est où, hein? Ça se situe où, sur cette lignée-là? Oh! Pas mal sûr qu'on est à 3400. Ouais, pas mal sûr. Je suis pas trop inquiet au niveau des calories, ouais, au niveau canadien, ça, hein? Là. Non. Donc, ce site-là nous propose justement de réduire le gaspillage, accroître justement les surfaces agricoles parce que, bon, pour essayer d'emmagasiner le plus de nourriture, prendre peut-être une nutrition moins carnivore, finalement. Oui, bien, il y a comme une mode de ça aussi, là, oui, ces temps-ci. Là. Parce que la viande produite, on a tellement besoin d'eau pour produire de viande que finalement, ben, on se retrouve avec une pénurie d'eau aussi. Exact. Alors, toutes sortes d'informations de ce genre-là sur ce site-là qui nous prédit finalement une famine en 2050 et comment faire pour la prévenir. Au moins, ils nous disent comment la prévenir. Oui, oui, ils sont fins, ils nous donnent un indice. Prochain lien, alors ça reste avec l'autre. Alors ça, c'est en lien avec le premier parce que c'est ma c'est vision vrai. Optimiste des choses. Non. C'est dégueulasse. Alors dans le fond, un autre en 2050, en fait, ça explique pourquoi on devrait tous manger des insectes en 2050. C'est en Afrique. C'est, là, c'est non, pas mais oui. Juste dire aux gens qui ne voient pas le site internet présentement. On ouvre la page et la première chose que c'est comme si... Je sais même pas c'est quoi. Je on pense dirait que c'est des grillons. Nouilles. C'est des verres de farine. Ah ouais. Non, mais c'est dégueulasse. C'est des verres dans une plaque avec genre des oignons par-dessus. Bon, on dirait des pinini. Des pinini. Exactement, mais des mini-pinini. Des mini-pinini. Est-ce que tu penses qu'un jour, avec l'évolution, tu sais, la théorie, entre guillemets, de l'évolution, est-ce que tu penses que les humains vont se développer une langue comme une grenouille pour pouvoir attraper les insectes? Pas en 2050. Pas en 2050. Alors, ça a pris plus de 2000 ans avant qu'on... Même plus... Ouais, pas mal plus que 2000 ans avant qu'on note un gros changement au niveau évolutif. Ah, là, j'aurais aimé ça aurait été drôle. Mais ouais, mais je... On est encore vivant en 2050. Je suis pas un expert. On n'est pas des mutants, là. Ouais. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a. Moi, j'aimerais ça qu'ils se manifestent. OK, c'est ma parenthèse. Que les mutants se manifestent maintenant. Ah, wow. Ouais, genre maintenant. Écrivez-nous. Une nouvelle émission à Z, que les mutants se manifestent. C'est ça. Donc, le site nous dit justement les avantages que ce serait de manger des grillons. Alors, de manger toutes sortes d'insectes. Et on parle justement de cette cuisine qui est de plus en plus en expansion de cuisiner des insectes. Alors, le gros défi, auquel est confronté plusieurs sociétés qui prônent ce type de nutrition-là, c'est d'essayer de rendre le goût agréable. Hmm. Alors, les enrobés de chocolat. Oui, il y a ça, parce que soit l'insecte n'a pas de goût, soit c'est un goût de noisette qui finalement s'éteint trop rapidement. Alors, de ce que j'ai lu, parce que je vois Mathieu qui a pas de l'air convaincu. Ben oui. Des goûts de noisette. Fait que j'ai apporté des insectes pour qu'on les mange. Tu me connais mal, moi j'ai une chronique alimentaire et culinaire ici, je suis prêt à tout essayer, ça veut pas dire que je vais aimer ça. Moi aussi je suis prêt à goûter. Mais je pense que je serais prête à goûter, mais j'aurais beaucoup de réticence au début, je pense. On peut pas contrôler notre corps. Peut-être qu'on va avoir un petit lever du cœur pendant un C'est parce que notre corps n'est pas habitué à ça. Mais tu sais, c'est quoi la différence entre manger un insecte et tout ce qu'il y a à l'intérieur et manger n'importe quelle sorte de viande? La texture. Ça dépend. Si c'est enrobé de chocolat, ça va être comme manger des craquelins. Oui, tu sais, il y en a, je pense que c'est où? C'est au Biodôme que tu peux faire ça? Oui, dans une sucette, il y a un verre Tu vois, quand tu mets un bâton au bout. Dans tequila, là, il y a un verre au fond. Quand tu mets un bâton. Tu sais, parce qu'un pogo en tant que tel, si tu savais ce qu'il y a dedans, la texture est dégueulasse. Ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai. Les saucisses, là, à dog, là, on s'entend que c'est pas mal meilleur pour la santé qu'un insecte. Mais dans les insectes que je sais qu'on peut manger, qui sont cuisinés et qu'on tente de cuisiner, ben il y a le grillon, il y a la sauterelle. Souvent, ils sont frits, ce type d'insecte. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui vient avec bactéries Ouais, j'avoue ça. Ouais, puis il y a si on y va un peu plus dégueu, si on veut, il y a le cafard. Oui, le cafard, le scarabée, tout ça, fait que toute cette famille-là. Tu peux pas faire genre des petits papillons. On appelle les coléoptères. Tu peux manger quoi sur un papillon? Je sais pas, c'est cute. Ses ailes, manger genre. Manger un papillon. C'est presque mesquin. Pas des ailes de poulet, celle-là. Parce que t'es cute, j'accepte de te manger. Ben, tu sais, on mange des lapins, puis on mange des petits. Oui, mais il y a de quoi autour, là? Pas parce que c'est cute, mais même si c'est cute. Ouais, mais tu veux manger quoi, là, sur un monarque, mettons? Je sais pas, moi. Tu peux pas vraiment faire frire ses ailes. Ça doit bien avoir un corps, ça, cette histoire-là. Parlant de frire, on peut... Il y a une technique aussi. Alors, dans un grand wok, alors c'est une sorte de wok. C'est comme un peuple, explique-nous c'est quoi un wok. Ouais, c'est ça. Donc, il existe les Canadiens et les wok. Et dans Star Wars, il y a les Ewoks. Les Ewoks. Oui, c'est comme la guerre en Ewok. Exactement. Ça, ah, ouais, exactement. Ça vient de là, les Ewoks, dans le fond. Lucas, il faisait des... En tout cas... C'était de la cuisine fusion, ça, Star Wars. Oui, ça donnait ça, Ewok. Ewok this way, comme disait l'autre. Faire une recherche la semaine prochaine là-dessus. Mais dans un wok, on peut cuisiner avec de l'huile, très facile à faire, beaucoup d'épices. On peut se faire un hamburger avec une migale. Délicieux. Une migale? Oui. Qu'est-ce qu'une migale? Quand tu te fais égale, prends une migale, comme leur slogan. C'est une grosse araignée. Non. Là, sur ça, on m'oublie. Peut-être migale, tu vas voir, c'est super. Migale free. Alors, c'est un mets, à ce qui paraît, assez couru de justement le hamburger migale. Alors, c'est hamburger migale. Ça, c'est pour les demi-portions parce que t'as la migale, t'as la complète migale. Je mangeais des fruits puis des légumes, moi, à ce moment-là. Quand on va être rendu aux insectes, là, à part le grillon trempé dans le chocolat, je pense pas. À cafétéria, il va peut-être avoir genre un bar à grillons, là, à place du bar à yoga le matin. C'est dégueulasse, j'espère que... Non, mais c'est parce que, tu sais, tu peux-tu comme désinfecter ça? Du lissol, genre. Un insecte? Ouais. Ah, oui, ça, ils ont des techniques. Ouais, oui, ça, je suis même pas inquiet. Il passe dans l'Ewok avant. Oui, c'est ça, l'Ewok. Non, ça, je suis même pas inquiet qu'ils doivent avoir, justement, qu'ils doivent prévenir tout ce qui est maladie. Hein. Un peu dans le même principe que la viande, si c'est apprêté. Tu sais, c'est pas cru nécessairement. Ouais, c'est rarement cru, en fait, comment il est proposé. Des sushis d'insectes. Dégueulasse. Des sushis d'insectes. C'est sûr que ça existe. C'est en Asie, c'est un des endroits qui consomme le plus d'insectes. C'est clair. Alors, au Japon, c'est une mode qui manger des insectes, il n'y a aucun problème avec ça. Hey, sais-tu ce qu'il y a d'insectes? Vas-y. Ben là, déjà naïf. D'insectes! Raël, donc j'ai des graphiques à la fin. Ah, parlant de grillons, on les entend jacasser derrière sur ma mauvaise blague. Oui. Ouais, c'est ça. Donc on a à la fin, juste pour terminer avec ce lien-là, il y a des graphiques qui montrent justement l'impact écologique qu'aurait le fait de manger des insectes finalement. Alors à quel point ça consomme moins d'eau, moins d'énergie, que ça prend moins d'espace. Bref. Puis que ça donne tellement plus de protéines. Bref, toutes sortes de liens. Ouais, c'est quand même pratique. Vous irez voir ça si ça vous intrigue. Puis si vous tapez cuisine d'insectes, il y a quand même beaucoup de recettes d'insectes. On peut quand même s'en procurer au Canada pour cuisiner. Ah, c'est sur Internet, genre? Tu t'achètes ça? Non, il y a des endroits spécialisés, surtout à Montréal, je vous dirais, qu'on peut aller en chinois. Chercher. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être un quartier juste pour les insectes aussi? Je sais pas. c'est dans le quartier chinois. Peut-être. OK, on soulèvera rien par rapport à ce qui vient d'être dit. Passons outre. Donc, non, mais je parlais que les épiceries là, d'insectes, ça existe, honnêtement. Oui. Dans le quartier chinois, à Montréal. OK, c'était pour vrai, là. Oui. Tu t'en sors bien. Ah, merci. Ben oui. Je sais. Elle l'a vu. Bon. Et voilà. L'avocat est parti, finalement. C'est ça. On est sur le bord de la porte, en tout cas. Il attendait, il était comme Tanya. On pourrait penser que c'est parce que c'est le gars qui veut m'acheter mon clavier sans fil. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est bon, l'avocat. Avocat, c'est ça. Ouais. C'est l'avocat de la station. En 2050, l'humanité pourrait s'éteindre. Bon, il était pas pessimiste tantôt, mais je trouve que c'est pas trop optimiste. Tout le monde va devenir pessimiste à cause de toi. Ah non, mais c'est un débat, en fait, qui a eu lieu en... Je sais pas, tu peux me préciser, justement... En 2012, au Tribunal pour les générations futures. C'est ça. C'est à quelque part, ça. ça dit pas plus. Je sais que c'est en Europe. Faut que je le recherche. Ils le disent à quelque part sur le site, mais il me semble justement que c'était bien caché. C'est la population française, donc ça devait être en Europe. Ah, voilà. À la Gaîté Lyrique à Paris. Ah. Lors du 3e Tribunal pour les générations futures. Consacré à la démographie mondiale et à la place de l'homme sur Terre. Bref, c'est des experts qui se sont livrés à un débat sur l'avenir en 2050. Alors, qu'est-ce que l'humanité... Comment survivre jusqu'en 2050? Comment allons-nous vivre en 2050? Est-ce que l'humanité va se rendre jusqu'à 2050 ou est-ce qu'elle va s'éteindre à ce moment-là? Alors, on parle encore de la famine, des problèmes au niveau environnemental. Alors, tout ce qui est tournade, tout ça, le fait qu'on... la déforestation. Il y a un truc un peu... C'est quand même intéressant. C'est super intéressant. En plus, il y a des... Il exprime justement des faits que les débatteurs ont partagés. Et il y en a qui sont très optimistes dans ce débat-là, d'autres plus pessimistes. Et si on descend page... Pas mal loin. On peut trouver des choses de plus en plus étranges jusqu'à voir un homme complètement nu. Ah, ouais. Ça, c'est pas si pire, Tania. C'est pas si pire. Parce qu'elle vient de tomber sur un dessin fait par un enfant. On a l'impression de spermatozoïde qui s'en va vers l'ovule. Et qui semble être un grand soleil. Mais si tu montes un petit peu la page, tu vas voir une jeune fille. Oui, ça, c'est une femme. Un homme. Moi, je cherche un homme. Plus haut. Ça, c'est un homme. Plus haut. Ah, okay, plus haut. C'est bon, quand même, la vie. Ça, c'est un dinosaure. Voilà! Ah, voilà! Ah. Un homme. Oui, mon Dieu, ben oui, nu. C'est un homme nu. Il est très, très poilu de l'entrejambe. Je vous explique pourquoi. Ben, je vois très mal, honnêtement. Oui. Mais c'est correct de même. Oui. Alors, l'homme, dans le fond, fait une entrée. C'est un des débatteurs, vu qu'il y a un micro. Il fait une entrée assez remarquée. Assez remarquée, mais sur le ton plus que sur la forme. Pour le moment. Et. plus tard! Donc. Donc, il vient vraiment, justement, défendre son point comme quoi qu'il ne faut plus faire d'enfants. Alors, il ne faut plus se reproduire tout simplement parce qu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. Alors, qu'il faut protéger l'humanité. Alors, il exprime justement le fait que faire des enfants, ça coûte cher. Il ne faut plus le faire. Et en s'exprimant et en donnant son opinion, il se déshabille. Ben oui, c'est ça que ça dit. Il commence lentement à se déshabiller en disant « Il faut regarder les choses en face. La vérité est nue. » Oh, que c'est beau. La phrase, comme que la, je, la phrase que je m'apprête à vous dire a été prononcée par un homme nu dans une conférence tout à fait sérieuse. L'explosion démographique transforme l'homme en habitat d'une termitière et prépare toutes les guerres futures, la destruction de la planète causée par la pollution, l'air et de l'eau. Ça, tu peux avoir l'air pas crédible tout en étant un expert et connaître ce que tu dis. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Faut pas se fier à l'apparence. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'homme nu. Mm-hmm. Fait que là, faut plus faire d'enfant. Ben, il y en a un autre qui dit le contraire. Il y en a un autre qui dit le contraire. Il dit qu'il n'y a pas de problème, faites des enfants. De toute façon, on va tout aller sur une autre planète. Ben oui. Comme dans le Romano Fafard. Oui, puis comme mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ben oui. C'était en quelle année, hein, le dans une galaxie? C'était pas dans ces années-là, 2050? Bonne question. Bonne question. Je pense que c'était en 2030 quelques. Je pense 2034. Oui, parce qu'il y a eu une explosion quelconque. Oui, nous sommes en 2034, la Terre s'en va sur les rayons du soleil. C'est ça? Je crois que c'est ça, oui. Fred, écoutez ça. Ouais. Non. En 2034, t'as raison. Non, mais c'est vraiment ça. 2034. 2034. Ouais. Tu l'as retenu, cher. C'est plate que ça, je gagne rien. tu gagnes un voyage à Paris! Ouais, c'est ça. En 2050. Oui, ça me tenterait, en plus. Ouais, hein. Ça me tenterait beaucoup. Moi aussi, je regarde ça, puis ça me dérangerait pas. C'est magnifique. À quoi ressembleraient les villes en 2050? Alors, c'est des villes que, pour la plupart, j'ai fait une recherche vite là-dessus, parce que c'est un sujet qui m'intéresse hors chronique. Bon, Colin... Windows, hein? Tablette Windows. Donc, ouais, Windows. C'est le petit vidéo qui joue. Oui, c'est ça, aussi, c'est le vidéo, c'est parce qu'il y a une vidéo qui présente justement Paris, à quoi il va ressembler en 2050. Et cette vidéo-là est vraiment faite par des architectes. Alors, c'est des architectes finalement qui ont élaboré à quoi pourrait ressembler, qui se sont prêtés au jeu d'à quoi pourrait ressembler Paris en 2050. Et on pourrait se dire que ce style de ville-là, on peut l'interpréter à toutes les villes finalement de la Terre parce que beaucoup de spécialistes jugent qu'on va y avoir, vu qu'on s'est beaucoup éloigné de la nature, on va se rapprocher de plus en plus de la nature, ce qu'on fait en ce moment justement. Mmh. Alors avec des grandes villes qui font des jardins, des gratte-ciels. Ah ouais, en gratte-ciel. Mais en fait, ils font des jardins sur leur toit. Ouais. Ça commence de plus en plus à prendre de l'expansion. Ouais. À un certain endroit, des souterrains, alors des stationnements souterrains, sont déjà envahis par une végétation. C'est une végétation qui est pauvre, par contre. Alors, c'est pas une végétation riche, c'est quand même du béton. Ouais. On essaie de faire de plus en plus de place justement pour la végétation, pour essayer de contrer les problèmes à effet de serre, devenir de plus en plus vert. Alors beaucoup de spécialistes tendent à dire qu'on va se diriger vers ça. Et c'est beau, c'est magnifique. Ouais, très joli. Vraiment. Oui. Alors vous irez voir ça. Ça fait penser aux espèces de films de divergence puis tout ce genre d'affaires là. Oui. C'est le style de décor que l'on pourrait retrouver. Ça a l'air vrai, c'est fait par ordinateur, puis ça a l'air vrai. C'est cool. Mais c'est vraiment des architectes là, qui ont fait ça, qui ont élaboré ça avec des spécialistes, et c'est vraiment qu'ils ont laissé leur grain de folie aller là-dedans, mais on nous précise que effectivement ça coûterait extrêmement cher, probablement que ça prendrait plus de temps que d'aller jusqu'en 2050 pour obtenir ce genre de résultat. Les arbres poussent sur les rebords de bâtisses, les rebords de fenêtres, pour vous expliquer. C'est des technologies qui sont... Il y a des technologies là-dedans qui sont pas nécessairement encore... Ben non, en fait, c'est faux. Les coûts sont faramineux, mais pas impossible, puisque les technologies pour arriver à ce résultat-là de ville verte, on les possède. Cool. Et ceux qui ont écouté Infoman savent qu'il y a déjà une ville aux États-Unis qui est très, très, très verte. Ah oui? Très verte. Ah oui, ils ont une place pour les vélos. C'est très, très, très facile de circuler là-bas. T'as aucun problème, pas beaucoup de voitures. Mais ça coûte cher. C'était incroyable. Le prochain, c'est sur le steak. Des fois, ça se peut que t'en sautes, fait que je vais faire des mauvaises transitions. Ça pourrait. Oui, c'est ça. Donc, je vais sauter lui. D'accord. Non, vite. Je trouvais ça super intéressant. Les prochains, je vais les. Ouais, les prochains, je vais les faire vite. Mm-hmm. L'autre, en fait, c'est de la viande 3D, de la viande in vitro. Alors, on essaie de plus en plus de faire des viandes, de reproduire des viandes. OK, mais ça serait pas naturel, mettons. Non, c'est pas une viande qu'on va chercher justement sur l'animal. C'est une viande in vitro, dans le fond, qu'on reproduit en laboratoire. On va chercher une cellule et à partir de cette cellule-là, on produit un steak. Oh, wow, quand même. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, ça pourrait sauver, on pourrait régler des problèmes justement au niveau de la maltraitance des animaux. Mm-hmm. On pourrait régler beaucoup de problèmes de famine, nourrir beaucoup, puis augmenter de beaucoup notre production en viande. Mais on pourrait éliminer aussi beaucoup de ce qu'il y a dans la viande qu'on veut pas, comme exemple les OGM, tout ça, j'imagine. Oui. Oh, mais ça reste que c'est une viande qui est transformée, qui est encore à l'étude. Mm-hmm. Ils ont déjà réussi à produire, mais est-ce qu'on est encore au stade où on pourrait le manger? Ils sont pas sûrs. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils fassent des tests. C'est très, très long, les tests en science. Là, ça prend... En fait, c'est très, très long, des tests en science. Il faut qu'ils démontrent que ce qu'ils croient, que ce steak-là est mangeable, l'est en éliminant tous les facteurs qui feraient que ce steak-là n'est pas mangeable. Donc, c'est très long. Ils en ont jusque pour en 2050, mettons. Oui. Mais peut-être qu'en 2050, on va pouvoir cuisiner un steak en allant chercher simplement des cellules. Oui, c'est ça. En le produisant chez nous. Peut-être en fait qu'on va juste manger des pilules aussi. Ça serait triste. Ouais, ça serait triste. Imagine ta poutine en pilule. Ah, non, OK. L'autre, vite, alors, c'est sur le site de la presse, alors, qui dit, c'est cette année, alors, le 4 décembre 2015, que beaucoup d'élus se sont mis d'accord pour essayer d'atteindre un objectif de 100% d'énergie renouvelable, alors qu'un jour, on puisse atteindre 100% d'énergie renouvelable pour la société. Ouais, c'est comme... C'est bien, mais souvent, c'est dit. Ouais, oui, c'est ça. C'est dit. C'est pas du nouveau. Ouais. C'est quelque chose qu'on sait que tout le monde espère, mettons. Ouais, c'est ça. On espère tout ça. Souvent, c'est dit, mais on se rend compte que les objectifs ne seront pas nécessairement atteints. Mm-hmm. Bon, ça, c'est mon côté pessimiste qui est ressorti, mais non, je crois qu'on va l'atteindre. Je crois qu'on va l'atteindre. J'ai confiance. Ouais. Tu sais, toutes les éoliennes, puis tout ce qui est énergie solaire, c'est de plus en plus vu, c'est de plus en plus impliqué aussi. Donc, on sait les avantages qu'on pourrait avoir à faire ça. Ouais, on a ça. De plus en plus des marques qui prônent justement une énergie verte. Alors, et voilà. Vivre sous terre, ça, c'est fantastique. Oh, ça, c'est là. Beau, là. Ça, je t'accorde que ça prendrait des vitres pour voir le soleil, par contre. Oui, en fait, ils en ont parlé de ce problème-là, parce que ça aussi, c'est des architectes aussi qui ont fait ça. C'est un peu la même chose que l'autre tantôt. Alors, c'est une technologie qui est vraiment très avancée, mais qui est possible. Une technologie qui n'est pas si avancée que ça, qu'on est très, très proche, qu'on serait capable de le faire, parce que certaines villes le font déjà. Ben, c'est ça que je vois, là, en Australie. Oui, en Australie, il y a une place qui, pour se cacher des problèmes climatiques. Alors, les problèmes climatiques étaient tellement... un problème, ben, finalement. Ouais. C'est bizarre comme phrase. À Cobber Pelly, en Australie, ils vivent sous terre. Hey, 80% de la population vit sous terre. C'est beaucoup? Pour se protéger, là. Ça a vraiment pas... Ça a dû brosser là-bas. Au Mexique, il y a une pyramide qui a été faite à l'envers. Alors, une pyramide qui est faite pour aller sous terre. J'ai tapé des images dans Google parce qu'on ne le voit pas sur le site, mais allez le voir, c'est le Earthscraper. C'est au Mexique. Alors, c'est une pyramide qui a été faite vraiment. C'est pour des logements. C'est pour une question de commodité, eux. Alors, pour essayer de sauver de la place, ils ont fait des logements, mais sous terre. Oh, ouais. My God. Et il y a une autre place en Chine aussi que c'est le même problème, qui ont fait des logements facilement accessibles sous terre. Alors, plusieurs avantages à ça. Alors, au niveau de la température, alors la roche peut aller chercher justement la température durant l'été et la libérer durant l'hiver pour nous réchauffer. Et durant l'été, il fait froid, justement. Ouais, la roche va aller chercher toute la chaleur. Alors, on a moins besoin d'utiliser d'énergie pour se réchauffer ou refroidir la place. Puis, il y a des photos. J'imagine que c'est fait à l'ordinateur, bien évidemment. Oui. Mais il y a des photos qui sont vraiment très jolies par rapport à ce que ça pourrait ressembler. Puis, je disais qu'ils voulaient pallier, justement, au problème qu'on n'aurait plus de soleil parce que ça peut affecter notre humeur, tout. Il y aurait des styles de lumière qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait adapter pour remplacer au niveau du soleil, ou il y aurait des canaux qu'on pourrait faire pour transporter la lumière du soleil. C'est ça. Alors, c'est assez impressionnant, l'idée qui est sortie de ça. Est-ce que de la luminothérapie, en fait, on aurait peut-être toute une petite... Oui, c'est ça. Non! 5 à 10? Oui! Non, on est déjà là. 5 à 10. Ça avance vite. On ne voit pas passer. Oui, j'en ai 50. 5 à 10. Alors, le travail en 2050, à quoi ça pourrait ressembler? On travaillera plus! Je vous avoue que ça me tente. Ça me tente beaucoup. Ah. Hey, en plus, c'est comme un lien avec ma chronique de tantôt. Ouh! Alors, en 2050, le travail, alors, on travaillerait tous à la maison. Le côté d'accident de travail et de problèmes de travail, la pénibilité d'aller au travail, ça n'existerait plus. Alors, on n'aurait plus besoin de se déplacer pour aller au travail. On ferait tout ça de chez nous. Par contre, on serait tous observés. Alors, au moment de travailler. Même hors des heures du bureau, est-ce qu'ils regarderaient tout ce que tu fais sur ton ordinateur? Ça ne le dit pas parce qu'on se concentre sur le travail, mais on pourrait peut-être se dire que c'est quelque chose de controversé parce que vu que tu travailles à la maison, que tu serais surveillé, bref, c'est ça. La ligne est mince entre le travail et la vraie vie si tu travailles à la maison. Ouais. En effet. Donc ça serait, c'est un peu, on s'évade un peu pour savoir à quoi ressemblerait le travail en 2050. En 2050, connaissez-vous la surpêche? La surpêche. C'est trop pêché, quoi. Ouais, c'est ça, j'espère. Non, c'est le fait de pêcher trop de poissons. Trop pêcher, puis faire pêcher trop de poissons, c'est pas mal ça que j'ai dit. Je pensais, je pensais au terme religieux, j'étais là. Hey, ça, c'est quelqu'un qui va en enfer, ça, de surpêcher. Oui et non, là, tu sais, comme je pense qu'on sait tous c'est quoi un peu. Oui. Mais êtes-vous informé là-dessus? Non, là, pas vraiment. Je dois dire que je sais qu'il y a de moins en moins de poissons, puis de. comment qu'il y a des limites sur le nombre de poissons que tu peux pêcher. Oui, c'est ouais. ça. Les lois se resserrent. Et ton imitation d'un poisson était délicieuse. Merci. C'est quelque chose qui... Oui. c'est quelque chose, justement, qui m'intéresse beaucoup, justement. L'exploitation maritime, justement, du poisson. Enfin, c'est assez étonnant de se rendre compte que, vu que c'est sous l'eau, ben on y porte moins attention. Oui, on le voit pas. Alors, par exemple, en France, n'importe où autour de la Terre, on pêchait le poisson très proche des rives et de plus en plus, il s'éloigne. Alors, il faut aller de plus en plus loin pour aller les chercher. Le travail est de plus en plus dangereux et les pêcheurs partent de plus en plus longtemps. Les pêcheurs, il y en a de moins en moins qui sont proches des quais. Et en plus, ces poissons-là, les bancs de poissons sont de moins en moins nombreux parce qu'on leur laisse pas le temps de se reproduire. Alors, c'est super difficile. Je sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau de la Luitre, la Ligue d'impro, l'UQTR, là, mais toi, tu tripes ces poissons. Puis là, t'as l'autre qui est truitologue, Vincent Rainville. Mais c'est à cause truitologue. De lui, justement, truitologue. Que... Oui, truitologue. C'est-tu vrai, ça? Ouais. Il étudie ça ici, à Trois-Rivières? Oui. Je savais même pas. Vous irez chercher, il est super intéressant. Il est spécialiste en truite? Oui. C'est chien pour sa blonde? C'est chien pour sa blonde. Il sent le poisson. blague. Mais c'est super intéressant et c'est entre autres une des personnes avec qui j'en parle justement de tout ça, de tout ce qui peut se passer. Il y a de la piraterie chez les poissons. Piraterie? Il y a de la piraterie poissonnière. Okay. Hein? Genre? Il y a de la mafia du poisson. Du poisson? Rapporterait autant... que celle de la cocaïne. Ah ouais. Eh ben, tabarouette! Je me lance dans ça. Ouais. Petit bâtonnet de poisson, là, moi, j'en veux. Non, mais j'avoue. J'en veux, je veux qu'on fasse le trafic de ça. Mais... Des bons sushis, là. On parlait de sushis tantôt. Ah ouais. Les quotas, tout ça, alors qu'ils sont pas respectés, ça rapporterait autant. Puis, un facteur catastrophe. Vas-y. OK. Nous, là, ce qu'on vit en ce moment, on dit qu'on vit de la pollution, puis tout ça, puis du réchauffement climatique. Fait qu'on voudrait arrêter ce qui absorbe finalement le réchauffement, la chaleur, tout ça, et la pollution, c'est les forêts et l'océan. OK. Sauf que si on règle le problème à la surface, pas pour de la pollution et du réchauffement climatique... Les arbres vont s'adapter, on peut faire plus d'arbres pour essayer de s'adapter. Les arbres vont de moins en moins étouffer parce qu'en ce moment, on leur demande de surproduire finalement, d'essayer de prendre ce qu'on surproduit. Mais l'océan emmagasinerait tout ça. Il l'emmagasine encore en ce moment. Donc, en réduisant, même si on est capable de réduire le facteur climatique à la surface, ça prendrait... Plusieurs, et même, je dis pas de chiffres parce que je m'en rappelle plus du chiffre exact, mais ça prendrait énormément d'années avant de régler le problème dans notre eau, dans notre océan. Hey, c'est un petit peu inquiétant. Fait que là, en ce moment, à la surface... Oui. Fait que là, en ce moment, l'océan est divisé en plusieurs paliers. Le premier palier, ben, il est foutu. Le deuxième palier, il est pratiquement foutu. Troisième palier, je sais pas, il y en est où. Mais bref, si on continue comme ça, même si on arrêterait au troisième palier puis qu'on ferait comme « Oh mon Dieu, on vient de gâcher nos paliers, tout ça, pour aller chercher nos poissons. » On est tout le temps en train d'essayer d'aller de plus en plus profond puis qu'on arrêtait tout ça là, maintenant, et que de façon miraculeuse. Ben, le quatrième palier puis le cinquième palier continuerait de prendre les coups des autres. Inquiétant. Hein? Très inquiétant. Donc, manger du poisson. Tania et moi, on pense vraiment, c'est que moi, je pense qu'on peut pêcher des bâtonnets de poisson, puis Tania, elle pense qu'on peut pêcher des sushis, je pense. Oui. De la façon qu'on a parlé tantôt, là. Oui, on n'a pas l'air très, très connaissant. Ouais, c'est ça. Non, je disais que la mafia du sushi, tu sais, genre, pour avoir les poissons, pour faire tes sushis, okay. Il doit y avoir un marché assez incroyable. Du côté de la mafia, pour ça. Tu penses pas qu'il faut mettre genre un bout de wasabi au bout de ta ligne? Puis... T'imagines-tu les gens qui gèrent les ports, à quel point ils s'en mettent plein les ports? Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est sûr. J'ai pas de... J'écoute Gotham. Je sais comment ça coûte. Ça, là, c'est l'argument qui vient terminer chaque conversation. Et j'écoute voilà. Gotham, dis-moi pas quoi penser. J'écoute Daredevil, je comprends toutes les aveugles. Donc, le prochain site que je vous propose, c'est nous, de quoi on aurait de l'air en 2050. Donc, les hipsters en 2050, de quoi ça aurait de l'air? Là, il y avait un article récemment, Tania, qui disait que les hipsters, c'était fini. Hein. C'est ça que tu as dit, je pense? Mais je sais pas, j'ai pas lu l'article. En fait, tout ce qui m'a surpris, c'est que Radio-Canada a écrit « Que seront les hipsters en 2016? » La grosse nouvelle, c'est Radio-Canada, merci. Ouais. Mes taxes! Oui. C'est ça. Donc, je vais. Donc, vraiment des vieux nous, vous irez voir ça. Alors, c'est des photos de personnes qui sont habillées plus en rap. Oui. C'est plus du rap que du hipsterisme. Mais c'est vraiment pas hipster. Les gens, ils disent de moi hipster à travers. L'autre fois, c'est. Il y a juste comme la deuxième qui est hipster. La deuxième, ouais, pas si peu. Mais le reste, c'est vraiment plus avec dans le domaine du hip-hop. Avec l'ordinateur dans les mains. Ouais, une tuque avec une feuille de pote, un petit... Un petit hoodie. Un petit hoodie, exactement. L'autre, il y a son manteau de jeans, un skate, puis des lunettes de juge, je trouve, on dirait. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait un genre de mismatch, mix and match. Mais non, on a croisé l'autre fois le monsieur là, au restaurant là, qui portait un chandail de rap de même puis qui avait l'air vieux. Là. Oui, ben oui, c'était mon Dieu, on était ensemble. Ça existe en ce moment. C'était pas, pas Tupac qui avait son gelé. Il y avait un chandail de Tupac, puis le gars, il avait l'air d'un monsieur d'avoir genre 80 ans. C'est parce qu'il achetait un chandail de Tupac au Winners. Sans savoir c'est pas. Qui, moi, c'est ça. Il se dit, ah, tu sais, bouge pas raciste, je vais porter un chandail avec un gars. Peut-être un cadeau. Peut-être un cadeau de son petit-fils. T'as un grand-pa. Voilà. Voilà mon chanteur préféré, Grandpa. Yo. YOLO, man. YOLO, man. C'est drôle, ils disent que ça va être en 2050, mais la grand-mère, elle a clairement un iPhone 6 dans les mains. Ouais, oui, c'est vrai, c'est ça. Elle a clairement réaliste, la photo. Hein? En tout cas. En 2050, ces personnes-là aussi, quand on se rend jusque-là, vous aurez les droits de Tintin. Le droit d'auteur va être terminé? Ben oui, le droit d'auteur va être terminé sur Tintin. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. 10 à 20. Là, je vais un petit peu le vite parce qu'il y a un site que je veux absolument parler. Fait que 10 à 20, je vous propose un site. C'est vraiment super intéressant. Je m'y attendrai pas trop longtemps. C'est des gens en sciences, finalement, qui ont fait des plats pour représenter notre société. Alors, les enjeux de la société jusqu'à 2050. Alors, qu'est-ce qu'on mangerait? Ce serait quoi les problèmes? C'est beau. Au vrai, c'est genre, beau comme c'est fait. Genre, un bol en écorce d'arbre avec de la terre et des... Oui. Pas des plantes, mais des feuilles, quelque chose qui en sort. Pour exprimer, si je me rappelle bien, de ce qu'on se rapproche plus de la terre, de la nourriture plus végétarienne, tout ça. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et 20 à 30, celui que je veux parler le plus, Science Avenir nous propose, il y a une vidéo, d'imprimer des organes. Ah! L'impression 3D, mais encore plus loin. Oui, c'est exactement inspiré de la technologie de l'impression 3D. Alors, on voudrait imprimer un organe et ils impriment un rein. Ouais, c'est ça. Ça commence pas à se faire, là, présentement, ça. Ben, en ce moment, tu peux pas... implanter, mettons. Non, c'est ça. L'organe, en tant que tel, non. La peau... je pense qu'il est considéré comme un organe, si je me rappelle bien, j'ai un blanc, je suis pas sûr, mais je pense que la peau est considérée comme un organe. Mm-hmm. Mais oui, il y a des greffes de peau synthétiques qui se font. Alors, on prend la cellule, on fait reproduire la cellule, puis on peut... Mais la peau, justement, ce qui est plus complexe là-dedans, ce qui est plus facile, c'est que les vaisseaux vont se créer d'eux-mêmes ensuite. On peut laisser ça comme ça, puis les vaisseaux vont aller se créer. Le problème, par exemple, d'un rein, c'est que t'as des néphrons, t'as des milliers de petits vaisseaux à l'intérieur, et c'est hyper complexe, c'est au niveau micro. On est même pas sûr de complètement saisir là, qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau micro de ça. Et ça, on n'est pas capable d'aller le reproduire parfaitement. Là. Puis on peut pas demander au corps de le produire. C'est ça, là. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Oui, donc ça, on réglerait plein de problèmes, justement, de greffe. Alors, justement, d'essayer de... Mais déjà, là, ils ont imprimé un rein. Ils ont déjà imprimé un rein. Ils l'ont fait en 2011. Oui, puis il y a une vidéo qui montre, justement, c'est une conférence, en fait, de quelqu'un qui explique, justement, cette imprimante-là et qui la montre et qui montre le rein, à quoi ça ressemble, le gros haricot, ensuite, que ça donne. C'est un peu dégueu, par contre. Ouais, mais ça ressemble vraiment à un rein. Puis, justement, il explique que là, ils sont en train de se pencher sur le problème, justement, des petits vaisseaux. Alors, parce que c'est la chose la plus difficile à imprimer, les vaisseaux sanguins, puis les artères, puis tout ça. Ouais, c'est ça, parce que c'est bien beau faire l'organe de façon 3D, mais si tu peux pas relier tout ça au reste. Non, là, c'est ça. Là, t'as le problème aussi. Après ça, t'as le problème des anti-avortements. Là. Si tu commences à imprimer un vrai rein, soudainement, c'est une partie vivante de ton corps. Si tu le détruis, soudainement, tu détruis un rein humain, puis là, tu vas te faire. Ouais. Non, mais il y a plein de questions d'éthique qui vont sortir de ça, là, qui vont arriver. Là. C'est vrai, hein? Tu sais, les personnes qui veulent pas. Devenir des machines. Qui veulent pas... Mais oui, en quelque sorte. C'est sûr que ça va sortir, ouais. C'est sûr. Oui, mais... oui, des personnes qui vont dire, qui vont prôner le trait naturel, le tout. Parce que là, si on accepte l'organe, parce qu'on se dit tout le temps, rien n'est simple dans la vie. Non, en effet. En philosophie et en éthique, là. Si on accepte d'imprimer un organe, est-ce qu'on peut aller jusqu'à imprimer un humain un jour? Est-ce que ça va nous libérer est-ce que ça va nous libérer la voie justement au clonage? Là, on se retrouve à tous les problèmes qu'on c'est a parlé vrai. Justement du clonage. Est-ce qu'on va faire une sélection qui n'est plus naturelle? On va se retrouver avec une société complètement maladie, aseptique justement. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Science-fiction. Oui. Pis... Mais la science-fiction, la fiction, parfois, peut... Hein? Mais c'est des problèmes. Ça, ce que je dis, j'ai de l'air super intelligent. Je le suis aussi. C'est mais vrai? Non, mais... Autopromo. Je le fais rarement. Hey, je le fais rarement. Wow, on t'encourage là-dedans pas mal, faut le dire. Mais dans le fond, c'est des problèmes qui sont déjà penchés. Il y a beaucoup de spécialistes qui se penchent déjà sur ces problèmes-là du clonage parce qu'on est déjà capable d'aller sélectionner des gènes pour le fœtus. Ouais. On est déjà capable d'aller sélectionner ça, de savoir est-ce que ça va être un gars, une fille et d'aller jouer là-dedans. Alors, pour les cheveux, pour les yeux... Trisomie... Pour la trisomie, oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà répondues, mais qui ne sont pas dévoilées au grand public. Ça se peut. Ça finirait par sortir. Ça va finir par sortir. Excuse-moi, il y a eu un blanc, mais c'est pas que j'essayais d'analyser la phrase. Puis oui, effectivement, ben... Oui. Oui, en tant que tel, mais toute question a une réponse à quelque part. Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ouais, c'est ça. Mais... Et l'avenir nous le dira. C'est ça, et la phrase sage. Mais, hein, comme on dit, tu sais, hein? C'est ça. Vaut mieux tard que jamais, non? C'est ça. Puis là, qui roule la masse, pas mousse. Exact. Voilà. Et on se retrouve avec un autre problème éthique pour mon dernier lien. Ça, c'est important. C'est un autre problème éthique, justement. C'est ce qui va remplacer les oreillers de corps. C'est ça. C'est pas un problème éthique, c'est un problème électronique. Mettons. Voilà. Alors, se reproduire avec un robot. Mettons. Pour ou contre? Mais là, moi, je pense que ça se peut pas vraiment. Ça se peut pas vraiment? Non, mais tu peux pas en tant que tel te reproduire. Non, je pense que non, c'est pas... C'est impossible. On ne dira pas impossible. Mais c'est remplacer les poupées gonflables, mettons. Oui, mais si, mettons, là, l'impression 3D fait qu'on peut lui imprimer une partie de la... Tu sais, la Ouais, mais tu peux pas créer, tu sais... Pourquoi pas? Peut-être peux-tu créer un utérus? Oui, peut-être, mais peux-tu vraiment créer, mettons, des spermatozoïdes? 2050, maybe. Juste pour situer les auditeurs. Ouais. En fait, on est sur un site où on présente un robot et on dit qu'en en 2050, même qu'on se prolonge plus loin que 2050. Oui, 70. C'est ça, 2070, on va avoir des robots sexuellement... Ouais. Ben, des robots sexuellement aptes à avoir une relation avec un autre humain. Alors, Hey, t'imagines, on a déjà de la misère à aimer rendu en 2015, là, en 2070, on va se faire des robots. Mais ça va être tellement plus simple, il n'y aura plus de problème. Tu chicanes avec, tu le reprogrammes. Tu mets à offre quand t'es tanné. Ouais, mais là, l'affaire, c'est que tu sais que c'est pas un humain, là. Tu sais même pas s'il t'aime. Hey, est-ce que t'as vu le film, là, avec le robot, là, puis que l'autre... Air. Air, hein? Si c'est des bonhommes animés, je vous l'ai dit. Mais c'est pas... pas Air. Air, c'est H-E-R, là. C'est ma prononciation. Ta prononciation était vraiment pas du bon bord, mais Her, oui. Air, c'est comme des cheveux. Elle a l'accent. Je suis très bon au niveau philosophique des choses. Laissez-moi donc être pas bon dans au moins une affaire. Au moins qu'on comprenne. Un robot ferait pas ça des problèmes de même, on comprendrait. Vous seriez partant pour avoir une relation de couple avec un robot? Ben là, oui. Esprit ouvert, man. Dans un corps sain. Si elle a un sein sur son corps. Fred n'est pas sûr. Si elle a un sein. Je sais pas. J'ai le côté... mais moi, j'irais pas jusqu'à pénaliser ou à réprimer ceux qui le font ou ceux qui sont pour. Mais personnellement, je... Je pense que j'aurais de la difficulté, moi. Ouais. Ah, parce que ça doit être froid. Tu sais, on parle au niveau humain, mais ouais, on parle au niveau des gars, mais au niveau des femmes aussi, ça va exister, là, c'est la même chose. Ouais, non, c'est ça. Il y aurait un méga chest, là. Il y aurait du poil partout, là. Tu sais, OK, s'il ressemble à un humain, puis tu sais pas que c'est un robot, tu sais, peut-être qu'ils vont leur mettre comme une... Une peau par-dessus. Et puis en 3D. Même. Ben, probablement que c'est ça qu'il va faire, parce que je veux dire... C'est pas un métal. Tu sais, je veux dire, avec la photo, non, définitivement, non. Tu sais, R2D2, là, non. C'est 3PO, celui ensemble. Ouais, c'est 3PO, là. C'est 3PO, ça doit être une bête. R2D2, ça doit être quelque chose. Ça le tombe pas trop, c'est 3PO. Il peut te le dire dans différentes langues. Ouais, ça, par exemple, c'est cool. Oui. Tu préfères ça. Tu pourrais t'acheter un robot. Pour qu'il puisse aujourd'hui, apprendre plein d'affaires. Aujourd'hui, je veux du Mexicain, mais ouais, c'est ça. Eh ben. Ah, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Mais là, ça serait... Mais non, il n'y aurait plus de contrôle. Mais tu vois, soudainement, tu t'es ouvert à l'esprit un peu. Là. Mais non, mais je suis pas ouvert à l'esprit. Moi, je pense déjà au complot qu'il pourrait y avoir. Peut-être qu'il pourrait, genre, on pourrait coucher avec un robot et le fait de coucher avec le robot nous reprogrammerait aussi. Peut-être. Mais si, mettons, tu couches avec le robot et qu'après ça, tu reprogrammes le robot, est-ce que tu viens de tromper le premier robot? Oui. Oh my God. Ouais, mais tu t'en fous, c'est un robot. Mais s'il y a des émotions. Ouais, mais en temps normal, un robot, ça n'a pas d'émotions. Mais tu as programmé une disquette avec des émotions. Ou à un moment donné, tu te rends compte, genre, comme il y a des films là-dessus sur quelqu'un qui se rend compte de. Ben, bordel, on est un robot. Genre, oui. Tout le monde se produit, on est encore en train de se poser la question éthique de. On peut-tu coucher avec un autre robot, je sais pas tout, puis on se rend compte qu'on est un robot. Wow. Est-ce que tu veux que je vérifie si t'es un robot? Non, j'ai saigné hier. On va te couper. Quoi que ça ne veut rien dire. Est-ce que tu peux être robisexuel aussi? Robisexuel, ça c'est quoi? C'est comme une... Herbie Moreau, ça je pensais quand t'es... Herbie Sur ce, c'était mon dernier lien sur la question « Où serons-nous en... » Je m'excuse, je t'ai coupé. Mais non, mais je m'allais dire, c'est comme un robophile? C'est comme un zoophile, mais un robophile. Oui, robophile. C'est sûr qu'il va y avoir des liens là-dessus. Mais oui. Hey, alors, on pourrait se mettre en gang là, puis écrire un scénario là-dessus. Oui. Ah, puis là, t'aurais Martin Matt qui créait une sitcom, Les Robots Malaises. Oui, c'est ça, Les Robots Malaises. On a plein d'idées comme ça. En tout cas, moi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Frédéric Bernard. Ouais, donc, merci, Fred. J'espère que j'ai répondu à la question de où on va être en 2050. T'es-tu optimiste, là? T'es-tu encore optimiste? Après oui, tout oui, ça. Oui, mais on va vivre dans des plantes, dans un sous-sol, sans problème de chauffage avec des robots. Gangbang de robots. Sexuels. Voilà. Et gangbang de robots. Mais je là, tu pourrais plus dire, je m'en vais en voyage dans le sud. Il n'y aura plus de. Plus de poissons, plus de mer, puis tout ça. Ben, pour dire, je m'en vais en voyage dans une place que ça va être devenu, là. M'a appelé mon robot. Ouais, c'est ça, m'a appelé mon robot, là. M'a demandé. Toi, c'est ta tablette Windows, j'imagine que tu tripes quand tu demandes à Cortana là, de t'aider. Hein. Hey, mais t'imagines, si on vit tous dans le sous la terre, il n'y aura plus d'avions? Non, sans doute des trains à haute vitesse, ça réglerait plein de problèmes, ça, en tout cas. Sûrement. Beaucoup de problèmes. Hey, c'est inquiétant, par exemple. Tu peux être optimiste ou pessimiste, mais c'est très inquiétant de savoir où. On s'en va où? Est-ce que t'as remarqué que Frédéric Bernard, c'est vraiment comme frotter le téléphone contre son chest? Oui! Il est déjà dans le futur! Il est déjà en train de nettoyer mon robot. Écran! Non, il aime déjà son robot! Ah, il aime ça, il aime ça! Je vais enlever le petit image féminin qui a celui dessus, là. C'est ça. Bon. C'est pas ta blonde que t'as comme fond d'écran? Comme fond d'écran, j'ai ça. C'est des bulles. Des bulles! Des bulles! Je mets ma blonde aussitôt. Ok, moi je vais mettre une barre d'aéro avec des bulles. Ah, okay. Oh, tu peux-tu mettre ma blonde comme fond d'écran, puis moi je mets la barre et haut. Ah oui! Ah oui! Ah ouais, mais ça, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle se posera pas trop de questions. Non, c'est ça. Comme à chaque semaine, on salue Annabelle. Ah, c'est ça. Oui. Merci, Fred Bernard. Ça fait plaisir. On te retrouve à La Lutre les lundis soirs 20h. Oui. À Chasse-Galerie, gratuit. Et ici, à Assemblage Rocky, tous les mercredis, vers les 8h45 environ. À date, là. 8h30. Ouais, à date, c'est plus 8. Ouais, on est plus à 8h45, mais la semaine prochaine, je risque de revenir sur un même créneau. Ben, ça, c'était ma première, c'était ma première. Je te crois tellement. Oui, donc, oui, à 8h30, oui. Mercredi prochain. Merci, Fred. Nous, Tania, je te dirais bien qu'on irait faire ta chronique, mais à un moment donné, t'es 35. Ouais. Est-ce qu'on la garde pour demain? On peut la garder pour demain, j'ai aucun problème. T'avais pas annoncé ce que c'était, de toute façon? Non. À part dans la chronique à Fred, mais même à là. T'as laissé sous-entendre. C'est ça. Donc, non, c'est correct, on peut faire ça demain. Ouais, je m'excuse, Tania. Mais y a aucun problème. On se retrouve demain avec une autre édition de l'Assemblage Rocky. Merci à Sébastien Gartin pour son bulletin Gartin. Merci à Fred Bernard pour Google Globe. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Demain, à l'émission, on va être jeudi. On va avoir une grosse pointe en dresse à la chronique qu'on fait habituellement. On va goûter à quelque chose du commerce. Quelque chose qui ne devrait pas être mangé. Tania, ta chronique, Tania, est-ce que tu Tania, vu que tu l'as fait pour aujourd'hui, dis-nous donc qu'est-ce que tu vas faire demain? Bien, en fait, on s'est tous déjà posé la question, je pense. Est-ce que j'ai étudié dans le bon domaine? Oh! Est-ce que je ne devrais pas retourner aux études? Eh bien, je parle d'études et de métiers. Et c'est encore une fois basé sur un fait vécu. Ouais, tous les jours de ma vie. Plus tard, sur nos ondes à 11h, les dîners de con avec Dany Janvier. Ensuite, à 15h, je vais de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, l'émission Geek. Ensuite, à 17h, de la musique électronique dans Audiomatique. Et puis, finalement, à 20h, c'est Radio Sonic avec de la musique variée. Ça tombe drôle qu'on ait parlé de robots et qu'on se quitte sur notre chanson thème d'aujourd'hui par Renard Frac. Et on se dit à demain dès 6h30. Bonne journée. Bonne journée. Bobby. Bibi, bibi. Ah, tu fais le robot. Ouais, ça marche pas bien. Bye. Thank you.